tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ce soir, que vous êtes en pleine forme comme d'habitude et que vous avez profité encore de votre journée d'été, la journée de vacances pour bon nombre d'entre vous. Et puis bah, journée de taf peut-être pour les autres. Quoi qu'il en soit, eh bien venez nous parler. Évidemment ce soir on est là jusqu'à 23h, Mickaël No Limit. Non parce que moi j'ai souffert ce matin avec les voisins. Oh là là, ah un bon truc de ouf. C'est-à-dire qu'il y a un moment, enfin, ils avaient annoncé que, enfin je vous expliquerai, mais en gros si vous voulez, il a commencé à pleuvoir mais dans à la chambre. Chez toi. Enfin bref, ah oui, je vous expliquerai quoi qu'il en soit puisqu'on parle de voisins. Une équipe de journalistes. Ce soir j'ai décidé. Cette équipe, c'est sans aucun doute. Voilà, j'ai décidé de me transformer en Julien Courbet ce soir. Donc si vous avez des problèmes avec vos voisins, eh bien venez nous en parler. 01 42 48 5000 si vous appelez de la France. Et 02 851 4x0 si vous appelez de la Belgique. Bonsoir. Une Julien. Grande équipe d'avocats oui. est à mes côtés ce soir. Maître Toff. Oui. Voilà, au barreau. Surtout au barreau. Voilà, c'est ça. Maître Polo. Oui, je suis là. Et... bah, écoutez, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Et maîtresse Sandra. C'est ça. Ah oui. Ah bah vu comme ça, ce serait différent. Hein. Bon, vous allez bien tout le monde? Oui, ouais, ouais, ça bon, va. Très bien. Ah, pas de problème avec les voisins, vous Si, moi je pourrais tuer la meuf qui a parlé dans la cour pendant toute la nuit. Ah ouais, apparemment chez Toff, il y a une meuf, une petite vieille qui a parlé en plein milieu de la nuit, elle a commencé à parler. Mais... ah, non, mais le pire, c'est qu'en fait, elle parlait super fort, mais le mec avec qui elle parlait, on l'entendait pas. Mais c'est une vieille. Non, enfin, je sais pas. Roger! Est-ce que t'entends, Roger? Non, même pas. Elle devait, je sais pas, avoir 40, 45 ans. Ah mais... oui, non, quand même pas, vieille. Mais la nana, elle a parlé toute la nuit avec quelqu'un qu'on n'entendait pas. Ah bon? Donc peut-être elle parlait toute seule. Et Polo, les voisins, non, ça va? Non, ça va. A priori, va. Tout va bien? Ouais, non, bon. Ça va, tranquille. Sandro, les voisins? Moi, c'est la guerre, tous les jours. Ah, c'est la guerre? Mais c'est pas mes voisins, en fait. C'est parce que j'habite dans une impasse. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de va-et-vient parce qu'il y a une crèche, une maternelle, ah, etc. C'est... Ah, bah ça doit brailler en plus, ça va et, être cool. Bah, c'est la guerre, hein, ça se finit mal régulièrement, plusieurs fois par jour, c'est la guerre quoi. Ah, carrément. Parce que pour ils viennent avec leur bagnole. Ouais, du coup, ouais, toi, ouais. tu t'arrives, tu peux pas te garer, il n'y a pas de place. C'est surtout des problèmes de voiture en fait. D'accord, bah, ça doit être sympa ça. Avec, ah, du ouais, coup, ils avec ont les tous des bagnoles maintenant. Avec les gamins qui vont, qui braillent, ah, ouais, ça, j'ai pas envie d'aller à la crèche. Ouais, c'est puis après, ils sont malades. Voilà, c'est ça, bon, le gros bordel quoi. Donc cela dit, ce matin, donc chez moi, donc j'avais dit à Toff, ouais, il va pleuvoir demain et ouais, tout, ouais, finalement il a pas plu. Et ce matin, je me suis réveillé, en fait, j'entendais. Je me dis, putain, quand même, j'avais raison, il pleut. En fait, non, c'était le voisin en haut qui prenait sa douche. Ou la voisine, je sais pas. Et quoi, ça tombait chez toi? Non, ça tombait pas, mais j'entendais le bruit comme ah, s'il oui, pleuvait d'accord. quoi. Tellement c'était violent. Et puis il y avait plein de monde là, ça allait à gauche, ça allait à droite avec les talons et tout. Par pitié, quand vous êtes à la maison, enlevez les talons quoi. Mais oui, mais faut bien qu'on essaye nos tenues. Non, mais quand t'essayes la tenue, tu dois pas marcher. Et faire mais un non, marathon mais des fois on fait rien du tout ouais c'est ça mais dans toute la maison mais pourtant pas du tout arrête c'est une galère laisse tomber quoi. Laisse tomber, c'était ah une horreur. Donc voilà. Il y a de l'abus. Bon, dites-nous si vous avez des problèmes avec vos voisins aussi, hein, si vous ont pris la tête là cet été, genre la musique va trop fort, etc., etc. Bah vous nous appelez donc 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Il y a Sandro qui s'y colle comme d'habitude. Et puis pour la Belgique, donc 02 851 4x0. Voilà. Alors je te donne le bureau aussi tout à l'heure avec Toff et Polo. Alors on a vu une pub là pour un soutien-gorge. On a été surpris, complètement ouais. surpris. Il faut que je vous la mette sur le Facebook là pour voir ce que vous en pensez. Alors je vous dis rien, vous allez voir, je vous la mets dans quelques minutes sur facebook.com/mikl officiel. Mais c'est assez particulier, assez étrange j'ai ah envie de bon dire. Ouais exactement. Et puis en parlant de trucs étranges là, il paraît qu'il y a la nouvelle mode là chez les filles. Alors c'est de. Alors attention c'est sérieux hein. Non mais parce qu'on va croire que je me fous de vous encore, mais non. C'est de se teindre les poils, a priori. Les poils hein. Les ouais, poils. Alors, ouais, genre. Les poils, genre les poils du pubis. Ah bon oui, le public. Exactement, voilà. Donc je voulais faire un petit sondage chez les auditrices de Fun là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous le faites peut-être éventuellement? Est-ce que vous imaginez le faire? Les filles, appelez-nous 01 42 48 5000 et de la Belgique 02 851 4x0. Sandro nous a dit tout à l'heure qu'elle n'envisagerait pas de le faire. Bah non, après je trouve que c'est rigolo, c'est pourquoi pas voilà. Mais parce qu'on avait vu ça, c'était une meuf qui avait ça en rose, c'est quand même assez particulier quoi. Bon, enfin bref. Ouais, c'est pour on l'été quoi. C'est pour l'été. Ça, c'est la coupe été. Ouais, ça c'est la coupe été ouais. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, ça c'est le numéro donc pour la Belgique si vous voulez nous joindre, allez-y. Et alors ce soir on va faire un nouveau jeu aussi. Alors le principe est assez simple. Bah ouais, on appelle quelqu'un au hasard et vous devez rompre en direct avec lui ou avec elle. mais quelqu'un que vous ne connaissez pas, bien évidemment. Évidemment. Bon, on appelle au hasard, exactement. Et donc celui qui fait la plus longue rupture, la plus triste, etc., etc., eh ben gagne. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez participer, eh ben vous m'envoyez un petit mail maintenant, mikl@funradio.fr. On fera ça tout à l'heure. On n'a pas encore d'idée de jeu, de nom pour le jeu, mais bon, la rupture, on pourrait pas se mettre ça. Oui, c'est pas mal. On verra bien quoi. Faisons les choses simples. Ouais, c'est ça. Et puis il y a qui au standard avec nous ? Il y a Alex qui est là. Tiens, bonsoir Alex. T'appelles pourquoi ? Salut Mika, bah en fait j'appelle parce que mon mec il est trop jaloux et ça me saoule. D'accord, la jalousie, on va en parler. Bah écoute, avec plaisir. Alex, t'es avec lui depuis combien de temps ? Bah en fait on avait cassé, on s'est remis ensemble et là ça fait presque 6 mois et ça fait 6 mois que j'en baffe quoi. D'accord, bon bah écoute, on en parle dans un instant Alex, ne bouge pas de là. Il y a Christophe aussi qui est là. Bonsoir Christophe, t'appelles pourquoi ? J'appelle parce que j'ai été réveillé par... Un fantôme avant-hier soir. Par un fantôme. Mais oui, bien. Eh bien, on en parle, bien il est entendu. Sympa, ce voilà, oui, il n'y a pas de souci, Christophe. On va en parler dans quelques instants. Bouge pas de là, les fantômes ce soir, très bien. Et puis on aura aussi, du son, bien entendu, hein, tout à l'heure. Alors, je vous cale, il y a plein de possibilités ce soir. À vous de choisir. Il y a Blur Red Lines, Robin Tick. Voilà, si vous écoutez ça, bah, vous n'hésitez pas à vous demander. Hein. Voilà, vous mettez le hashtag et Mickaël sur Twitter et puis vous demandez Robin T. Je vous calerai aussi Macklemore. Et bien on suit la Can Hold Us sur Fun. Alors ce que j'ai prévu aussi, Duck Sauce. Alors il y aura Will.i.am aussi, tiens, pourquoi pas. Bon, s'il y a des sons que vous préférez, des sons que vous aimez moins, vous nous dites. Hein. Et puis s'il y en a d'autres que vous voulez entendre, hein, n'hésitez pas non plus. Vous demandez, vous mettez le hashtag et Mickaël tout simplement maintenant sur le Twitter. Voilà, tout simplement. Et puis on passera tout à l'heure, avant la fin de l'émission, tous ces sons avec plaisir. On salue également tous ceux qui sont connectés ce soir là sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Il y a Clara là d'ailleurs qui est sur le Twitter qui dit oh là là, ça va être beau ce jeu. Oui, bah écoute, on va tester tout à l'heure, on verra bien. Jessica aussi qui dit bonsoir mes petits lapins, ça change des petits poulets d'hier. Bonne émission à tous, gros bisous. Bah, merci, je trouve ça mignon, Jess. Petit lapin. Ouais, c'est mieux que poulet, ouais. Clara aussi qui dit bonsoir à tous. Juju qui dit bonsoir Mickaël. Et bah salut Juju. Steven aussi qui dit bonsoir la team, content de vous retrouver. Bah on est content de vous retrouver aussi ce soir là, comme hier et avant-hier et ainsi de suite. D'ailleurs tous les soirs entre 20h et 23h. Eric aussi, bonsoir à toute l'équipe. Salut tout le monde, Mickaël Toff, Popolo et puis Sandra. Charlie qui dit bonsoir, est-ce que ça va ce soir l'équipe? Bah on va plutôt bien, Charlie, il a plutôt en pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Un message de Sandra qui dit trop fort de vous entendre de nouveau sur Fun Radio. Eh ben merci à toi Sandra et puis sois la bienvenue surtout. Et puis j'ai mis un truc aussi là par rapport aux couilles. Apparemment quand on a des grosses couilles on risque d'avoir plus facilement un cancer ou c'était ça, c'est le cancer. Ouais, tout va bien, j'ai des petites couilles. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez aller voir risque évidemment. Risque cardiaque. Voilà, risque cardiaque, élevé. C'est ça. Risque cardiaque élevé quand on a des grosses couilles. Et puis voilà, donc allez voir sur le Facebook, c'est pas plus compliqué que ça. Et je vous mets aussi le truc dont je vous ai parlé là en début d'émission, là je vous le mets dans quelques instants. C'est par rapport au soutien-gorge. Voilà, je n'en dis pas plus. Et puis là on a évidemment notre star Tyrone qui est avec nous. Allô Tyrone. Ouais, allô. Tyrone est de retour. Je vous rappelle un petit peu le principe, hein. Donc Tyrone, 18 ans du Var, et sa meuf l'a jeté. On en avait parlé jeudi, si mes souvenirs sont bons. On avait essayé de l'appeler parce que elle t'a jeté, mais tu sais pas pourquoi. Donc ça faisait 1 an et 2 voilà. mois que vous étiez ensemble. Elle t'a quitté, tu savais pas. On l'a appelé, ça a pas décroché. On l'a rappelé le lendemain, ça a pas décroché. On a laissé des messages en disant on rappelle dans 5 minutes, elle a toujours pas décroché. Hier on a appelé de nouveau cette fille, elle a toujours pas décroché. On a appelé sa copine, elle a pas décroché non plus. Bon, alors Tyrone, apparemment il y a du nouveau. Oui, en fait, cet après-midi, j'ai eu quelques nouvelles. Ah. Donc, apparemment, elle a trouvé un autre mec. Ah bah voilà, c'est ce que j'avais dit. Il y avait de fortes chances, d'ailleurs, que ce soit ça. Hein. Oh. Voilà. Et elle m'a dit qu'elle avait plus de sentiments et que quelqu'un lui avait dit que je l'avais trompé pendant qu'on était ensemble. Ah ouais ? Ouais, carrément. Ah. Alors que pas du tout, en fait. Ah bah ouais, mais après, il faut peut-être lui expliquer aussi. T'as essayé de lui expliquer ou... Ouais, bah, je lui ai dit que c'était pas vrai et tout ça. J'ai demandé qui avait dit ça et elle voulait pas me répondre. Donc, bon, voilà. En même temps, Tyrone, entre toi et moi, c'est-à-dire que si la meuf elle te quitte sans aucune explication, juste parce que quelqu'un lui a dit que, c'est que c'est une idiote. Hein, Ouais. Bah ouais, ou c'est simplement qu'elle avait besoin d'une excuse pour se barrer. Donc je pense pas que voilà. T'aies perdu grand chose. Hein. Nous on a perdu un peu de temps, mais toi t'as pas perdu grand chose. Ouais, ça va. Donc t'inquiète. J'en ai plein sur la liste d'attente, donc ça va. Ça va, très bien. Mais t'as raison Tyrone. Bon bah écoute, amuse-toi bien, sors couvert en tout cas. Et puis tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Et puis préviens tes potes aussi hein, qu'on est là de 20h-23h hein. Ouais, et je peux faire une dédicace? Allez vas-y, il y a une personne, attention hein. Ouais, bah en fait je vais faire une dédicace à un groupe. Donc je fais une dédicace à la meute de Sibou. D'accord. Eh ben écoute, voilà. Le message est passé, Tyron, et puis tu vas rester au standard à défaut d'avoir une meuf, on va t'envoyer une compil Starflore. Ça marche. Allez, à plus. Salut. Merci. À toi. À ciao plus. À toi, Tyron. Bye. Salut. Bye bye. Eh ben voilà, ça y est, c'est fait. Hein. Bon, non, les voisins jaloux, on va en parler. Bah oui, c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez. Les voisins jaloux avec dans un instant Joujou qui est là. Salut Joujou. Allô. Oui. Allô. Bonjour. Ça va Joujou? Oui. Oui, Zouzou. Ah, Zouzou, d'accord, oui, ok. C'est, au standard, c'est pareil. Bah, ils ont rien compris au standard. Hein, c'est. Bon, alors, Joujou, t'appelles de Haute-Saône, on va parler des voisins jaloux dans un instant avec toi. Oui. Bon, bah, tu vas pas bouger, alors on aura Séverine aussi qui est là, tiens, Séverine des Deux-Sèvres. Salut Séverine. Salut l'équipe. Comment ça va? Ça va tranquille et vous? Bah, ça va tranquille, et trop tranquille, Séverine, pépère ou quoi? Mais ça va. Ok, à part c'est que, la teuf. J'ai des problèmes de voisins aussi. Ah, bah, très bien, on va en parler dans un instant. Alors, bah, reste avec nous, Séverine, d'accord? Ça marche. Allez, bouge pas de là. Et puis, ah bah tiens, Séverine, ça te branche le son de Robin Thicke dans un instant? Bah, j'adore. Ah, bah, Blood Red Lines. En plus, le clip, il est juste, c'est une tuerie, hein, surtout énorme. Pour les mecs. Avec c'est que clair. Des gonzesses dedans, c'est juste une tuerie. Bon, on se met ça dans un instant. Tu restes avec nous, Séverine? À tout de suite. Allez, à tout de suite, on te reprend dans un instant. C'est Mickaël, No Limites sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Et puis, on est jusqu'à 23h. Un truc à dire. Mickaël. Appelez Mickaël. No Limites. Fun. 01 42 48 5000. No Limites. Mickaël. Mickaël, No Limites. No Limites. Sur Fun Radio. Eh ouais, exactement, sur Fun Radio, on est là, vous balancez bah, évidemment tous vos messages, hein, ça se passe tous les soirs au 02 au 01 42 48 5000, et puis bien évidemment au 74 200, vous débutez le message par Mickaël, d'ailleurs on vous enverra direction Ibiza aussi, dans quelques instants, vous allez pouvoir faire la teuf là-bas avec les auditeurs de Fun Radio, et en plus de ça on vous met bien évidemment les entrées pour la Fuck Me I'm Famous, et aussi on vous cale bien entendu, cela va de soi, la petite appareil photo numérique, histoire de prendre des petits souvenir, ce sera dans la colle du jour et ce sera dans un instant sur Fun Radio. Bon allez, parlez aussi des endroits où vous avez été en vacances là, hein, si vous êtes encore en vacances un petit peu partout en France, si vous avez eu des problèmes de voisinage aussi pendant les vacances, ça peut arriver. 01 42 48 5000, vous nous appelez où que vous soyez en France, il n'y a pas de souci. Et 74 900, on parlera aussi dans quelques instants bien entendu Facebook, de Twitter et d'Instagram avec notamment la vidéo du soutien-gorge un peu particulier là, la pub un peu particulière du soutien-gorge, je viens de vous la mettre sur le Facebook.com/Mickaël officiel. On en parle après Robin Thicke. Maintenant c'est Blur Red Line sur Fun Radio. Allez, bonne soirée tout le monde. Allez, clip que je vous conseille évidemment, le clip de ouais. Robin Thicke avec Blur Red Line pour tous les mecs. Et alors sur le Facebook, il y a quelques jours, cherchez un peu dans l'historique, je vous avais aussi mis un petit clip spécialement pour vous, mesdemoiselles, où on voyait que des beaux gosses. Pour aller voir ça sur le Facebook, évidemment, facebook.com/Mickaël officiel. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Ouais, et il faut débuter le message par M-I-K-L bien évidemment. Si vous voulez parler avec nous ce soir, vous êtes bien sûr les bienvenus. Il y a Mathilde sur le Twitter qui dit pour moi c'est la dernière avant mon grand départ, vous allez me manquer pendant 20 jours, je vous envoie une carte postale, promis. Bah, avec plaisir Mathilde là. Mais tu vas où Mathilde là? Tu pars en vacances, mais où ça? Tu nous as pas dit là. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah, encore Mathilde qui dit j'ai les pires voisins au monde, Mickaël. Bah très bien, bah, laisse ton numéro, on va t'appeler, pas de problème. Anaïs qui dit à l'écoute de Mickaël comme tous les soirs. Bah merci Anaïs, j'ai eu le code enfin détendu pour écouter Mickaël. Ah bravo. Eh ben voilà. Bravo. Alors pour rappel, donc c'est Clara qui nous avait envoyé un message parce qu'elle était un petit peu en angoisse parce qu'elle devait passer le code, on lui avait souhaité bonne chance, tout ça, etc. C'est chiant à passer le code. Et en plus bah, hein. Ouais, c'est une ça. Une fois que tu l'as, c'est bon quoi. Après, ça t'es tranquille. Bac, après t'es tranquille. Après t'es tranquille, ouais. Et donc du coup bah ça y est, bah bravo Clara, c'est bien, je suis fier de toi Clara. Là, toi t'es une bonne auditrice ouais. De Fun. Voilà. Y a Mel aussi qui dit salut toute l'équipe, je vous écoute tout le temps, restez comme vous êtes. Vous êtes trop fun. Bah écoute, c'est gentil, merci à toi aussi. Et Pierre Lee aussi qui dit Mickaël, t'inquiète, tu retrouveras une copine très vite. Ah non, c'est pour Mickaël, ouais, t'inquiète, tu retrouveras une copine très vite, Tyron. Bah oui, visiblement, il a déjà une longue liste d'attente là pour ceux qui viennent de débarquer. On a eu Tyron là, celui qu'on a eu pendant 3 jours, avec sa meuf qu'il a quitté, il savait pas pourquoi. Bon ben voilà, comme on l'avait imaginé, hein, elle avait un autre mec, tout simplement. Voilà. Et puis Reload aussi qui dit Mickaël au top. On va bien rigoler ce soir, bisous à toute l'équipe. Bah oui, on va bien se marrer parce qu'il y a un nouveau jeu qui arrive tout à l'heure aussi, ce sera la rupture. Le but c'est simple, il faut appeler quelqu'un au hasard, donc vous êtes plusieurs auditeurs. Ah, il y a Toff qui va montrer, il voulait absolument montrer le oui. Principe. Hein. Bah oui, c'est-à-dire donc, que je suis tellement bon dans la drague que je dois être hyper bon dans la rupture. C'est ça. Donc on appellera quelqu'un, donc on appellera plusieurs personnes ce soir, et la personne qui arrivera à garder l'inconnu ou l'inconnu le plus longtemps possible avec un message de rupture, hein, donc de tristesse, etc. Eh bien celui qui arrivera à garder la personne le plus longtemps au téléphone aura gagné. Voilà, donc la rupture ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. Et Timothée sur le Facebook, il dit même si je pars je vous écoute, et c'est pas pour rien que je dis ça. Eh ben ce serait cool, c'est très bien, ouais. Timothée. Je rappelle qu'en même temps on est diffusé sur internet, sur les applications, donc bon normalement vous devriez être tranquille, hein, pour nous suivre. Sur le Minitel aussi. Et, sur le Minitel. Bon, il y a Christophe qui 36, est avec nous. 15, exact. Putain, c'était bien à l'époque, au moins ça rapportait de l'argent. J'aurais voulu être à cette époque-là, vivre à l'époque du Minitel. Hein, c'était 2,19 francs la minute. Tu peux encore l'utiliser, je crois. Ouais, bah, super. Même si tu peux utiliser, personne dessus. Oui. Moi, je propose qu'on fasse un tu nouveau système. Tout le reste. Mais non, mais tu coupes tout le reste. Tu supprimes Facebook, Twitter, et Internet, pour te joindre, c'est que Minitel. Internet via PayPal. Ah, voilà. Mais lui, il a toutes les combines. Bah, bien sûr, grave, ça serait quoi, bien. Ah, bon, Christophe, qui est avec nous de Meurthe et Moselle, le 5-4. Salut, Chris. Christophe. Ouais. Ah, voilà. Bon, alors, Christophe. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Christophe? Tu nous appelles pourquoi? Hier soir, je me suis couché, il était 1h, 2h. Ce sont les choses qui arrivent. Et je me suis réveillé vers 5h, 4h. Et 1h, 2h, 5h, 4h. Donc c'est à peu près quoi. C'est ce que, en fait, il est dans Retour vers le futur. Hein, c'est 5h, 4h. Bon, et donc, ouais, tu t'es réveillé un peu plus tard. Et... Il est perturbé, il y a de quoi. Avec un vent tellement froid. Il y avait trop froid. Et là, je me réveille comme ça et je regarde sur la porte et je vois un fantôme. Un fantôme? Mais il était comment ton fantôme? Avec un drap et deux trous là pour les yeux? Oui, et un gros boulet qui tirait derrière lui. En Casper quoi. Non mais il ressemblait à quoi ton fantôme? Transparent mais blanc, voilà, blanc. Et j'ai regardé 5 secondes quoi, il est apparu 5 secondes. Après j'ai fermé les yeux et... Il est parti. Oui, et je me suis barré après, j'ai cassé la porte de ma chambre. T'as cassé la porte de ta chambre? Il a flippé hein. Mais En fait, c'est comme dans les dessins animés, il est parti en courant, il est passé à travers. Ouais. Il ressemblait à quoi le fantôme? Ouais, il ressemblait à quoi? Quelle taille était la dernière? J'ai pas pu trop voir. Combien mesure-t-il? Oui. Quel était son tour de poitrine? Non mais sérieusement, non mais je veux dire, il sortait d'où? Est-ce que tu ça le voyais? Fait, il était dans... C'était une femme, hein, quoi? Il y avait que un drap, pas de tête, rien? Non, il y avait rien. Et j'ai pas réussi à trop voir parce que quand j'ai regardé, j'ai tout de suite fermé les yeux. Et t'avais fumé quelque chose d'illégal avant ou pas? Non, j'avais de rien. De l'alcool peut-être? Non, rien. Et t'as dit quoi? Il t'a dit quelque chose? Il a fait bouh! Non? Il s'est fermé les yeux après, il s'est barré et moi comment j'ai eu peur, et j'ai forcé la porte de chez moi et je l'ai cassé. Il y a Ben qui dit en fait t'as rêvé mec. Oui. Ouais, parfois, t'étais mal réveillé peut-être, ouais, aussi, t'étais en phase de sommeil. Voilà, c'était peut-être raison Ben sur Twitter, là t'étais peut-être en train de roupiller. Je sais pas. T'étais peut-être dans un rêve. C'est déjà arrivé à quelqu'un là de voir des fantômes ou de faire des trucs un peu paranormaux, des chaises qui bougent, des tables qui se retournent, enfin je sais pas. Non mais ça vous arrive jamais, genre t'sais quand c'est encore l'été un peu, t'sais, il fait jour assez tôt et donc parfois t'es dans un. Tu te réveilles et tu vois genre une forme dans la pièce et en fait c'est juste les fringues qui font un truc. Mais non, ça vous arrive jamais, non, non, jamais. Attends, t'as dit quoi là? Mais tu es à l'hôpital pas loin de la radio, tu peux aller consulter si tu veux. T'as dit quoi, tes fringues qui font un truc? Oui, oui, t'as tes fringues, donc genre tu poses tes fringues sur une chaise, et donc t'as l'impression, tel matin quand le soleil commence à se lever, que t'as quelqu'un, t'as l'ombre de quelqu'un dans la pièce, quoi. Ah non. Vous avez jamais eu ça? Ah non, jamais. Ah ouais, bon, bah ok. Ah non, jamais. Non, jamais. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Bah écoute, y'a pas de soucis, ouais. Ce type est vraiment spécial. Mais c'est ça. Derrière, faites un truc. Je me suis juste retourné vers Sandra, je l'ai regardé en parlant et puis tout d'un coup j'ai fait un air un peu surpris comme ça et je lui ai dit mais y'a rien, chose. J'ai même pas eu l'occasion de dire il y a un truc derrière toi que directement elle a sauté de sa chaise. Non mais moi je flippe trop, arrêtez. Non, arrête, ça va pas être drôle du tout. Vraiment pas. Bah ça dépend pour qui, parce que nous on va bien se marrer, mais tiens, il y a Chris qui dit bienvenue dans Paranormal Activity, Michael. Bah, alors il y a adoptemoi.com aussi, c'est Crazy Marine qui dit ce n'était pas plutôt ton reflet plutôt que le fantôme. Christophe? Ouais. C'était pas plutôt ton reflet au lieu du fantôme, non? Je sais pas. Tu sais pas. Bon, écoute, alors reste là, Christophe. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Je passe à côté d'un miroir, je me suis fait peur. Hein. Ah oui, mais ça, ah c'est oui, normal. Ah oui, mais, non, mais oui, le matin, ça nous est tous arrivé d'avoir ouais, peur devant le miroir. C'est ça, c'est ça. Mais bon, mais attends, Christophe, reste là, on va demander l'avis des autres auditeurs de Fun. Là, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des fantômes? Voilà, fantômes ou tous les trucs un peu paranormaux comme ça. Bah, vous envoyez votre message maintenant, Facebook et Twitter. Vous tapez Mickaël officiel et puis on en parle. Et puis, ça fonctionne aussi. Vous appelez le standard, hein, 01 42 48 5000. Ou alors pour la Belgique, 02 851 4x0. Tu restes avec nous, Chris? Ouais. Bon allez, bouge pas de là, Chris. Et puis on a aussi ah ben on va prendre Maxence là maintenant là pour jouer juste avant de parler de fantômes. T'es là, Max? Ouais. Ouais. Ça va, Max? Ouais. Salut. Bah ouais, vous? Bah tranquille, hein, t'appelles d'Evreux, toi, c'est ça? Haute-Normandie? Ouais. Bon, très ouais. bien. Alors Max, toi, t'avais une petite colle. La colle, évidemment, c'est dans le but. Dans le but d'aller direction Ibiza. Et peut-être aussi repartir avec tes deux entrées pour aller à la Fuck Me I'm Famous. Et en plus de ça, tu repartirais aussi avec l'appareil photo numérique. Pour ça, évidemment, tu vas poser une colle. Tu vas poser une colle. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, évidemment, tu perds. D'accord. Maxence, nous t'écoutons. Qu'est-ce qui a trois bosses? Et c'est tout? Ouais. Qu'est-ce qui a trois bosses? Oui. Bon, c'est déjà pas nous parce qu'on a que Mickaël. Hein. Ouais, déjà, ça c'est drôle. Oh, ça c'est bien, c'est, non, c'est bien, vrai. C'est bien, faut dire des choses. Bon, qu'est-ce qu'il y a trois bosses? Qu'est-ce qu'il y a trois bosses? Ouais, mais genre quoi? Genre un. Je sais pas, un truc vivant? Parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent avoir trois bosses. Oui. Non. Je comprends rien, Maxence. Est-ce que tu peux te mettre dans un endroit où il y a un peu plus de réseau, s'il te plaît? J'ai dit un truc de vivant. Un truc vivant. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Bon, si vous avez une idée, hein, qu'est-ce qu'il y a trois bosses? Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous jouez avec nous maintenant ce soir. Facebook et Twitter. Et je vous mets aussi la question sur le Facebook maintenant. Facebook.com/MIKL officiel. Voilà. Oui, Max. Max? Hein? Oui, tu me dis allô, mais après tu ne me parles plus. Oui, ah bon, mais t'es toujours là, t'inquiète pas. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a trois bosses? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous pouvez jouer, repartir peut-être direction Ibiza. Eh ouais. Avec vos deux tickets également pour la Fuck Me I'm Famous et l'appareil photo numérique. A tout à l'heure, Maxence. D'accord, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et donc pour participer, hein, deux solutions, donc Facebook ou Twitter, ou alors sur les SMS. Et les SMS, il suffit simplement d'envoyer MIKL espace la réponse au 74 900 pour la France, au 63 22 pour la Belgique. Je vous souhaite évidemment bonne chance et je vous cale aussi la petite question là sur le Facebook d'ici quelques instants. Et puis on accueille Séverine avec nous maintenant là. Séverine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Séverine. Alors de Niort, toi, dans les Deux-Sèvres, le 7-9, Séverine. C'est ça, le 7-9 en force. Eh bah ouais, on parle de... Des voisins relous là. C'est vrai que je suis tombé dessus parce qu'effectivement il y a eu une galère là ce matin, là où je crache pour l'instant là, c'est qu'effectivement comment t'expliquer que les voisins faisaient un vacarme de ouf avec leurs talons et tout le bordel, c'était insupportable. Et chez toi c'est quoi le problème avec les voisins alors? Ah, moi j'ai pas ce problème là parce que je suis au quatrième, donc ça va, j'ai personne au-dessus. Moi ah, ouais, j'ai va, une voisine qui picole beaucoup et dès qu'elle a picolé elle adore chanter. Ah sympa, et donc, ça. Elle chante jour et nuit. Ah, et c'est là, ça, j'en peux plus. Là, attends, j'en mais peux plus. C'est super original. Vas-y, c'est cool. Tu montes chez elle, tu l'as fait chanter. Ouais, c'est ça. Mais non, je vais lui casser, les dents à force, je crois. Tu m'étonnes. Chanter. Ah, oh, c'est clair. Et donc, elle arrête pas de gueuler, quoi. Ah bah voilà, elle chante tout et n'importe quoi, des trucs que je connais même pas. Du Johnny, elle part des trucs anciens, nouveaux, enfin la totale quoi. Et elle, dès qu'elle boit un petit peu, et comme elle boit tout le temps, eh ben elle chante tout le temps. En fait. Dès qu'elle boit un petit peu, mais comme elle boit tout le temps. Voilà, bah, c'est très bien, bon, c'est très clair comme ça, tu vois, c'est vachement plus pratique. Et quoi, est-ce qu'elle chante ce genre de trucs et tout là? Comment? Est-ce qu'elle chante ce genre de trucs? Ouais, tout à fait, j'ai eu le droit, donc la dernière soirée, bah, c'est hier soir, donc ouais. J'ai été réveillée à 2h30. Ouais. Par envie de toi, besoin de rien, envie de toi. Oh merde, t'as, putain. T'as de la chance, elle t'a envoyé un message, tu l'as pas compris. Eh dis donc, t'as encore de la chance qu'elle est pas en mode vacances, hein. Parce que là, pour le coup, si elle commence mais à chanter eu, ça... Non, mais ah, tu l'as eu? Je crois que j'ai eu celle-ci, j'ai eu la totale, je crois. Quelle horreur. Ah, depuis sinon, y avait... un an, elle est là dans le quartier. Mais depuis un an, elle nous a fait le jukebox. Attends, on peut tuer Sandro là parce qu'elle commence à chanter David bah et Jonathan, ouais, mais t'as un problème. Chargez mon fusil, ta voisine. Attends, mais t'es ouf attends, ou quoi? Attends, chargez mon fusil là. Ouais. Je suis de l'air dans le viseur là. Attends, pousse-toi, vas-y. Voilà, vas-y, allez. Attends, vas-y, chante. Vas-y, tire. Vas-y, mais je chante. Tire. Est-ce que tu viens pour les vacances? Voilà, c'est fait. Ah bah dis donc, ça va beaucoup mieux là tout de suite là. Ça va beaucoup mieux. Bon, et est-ce qu'elle te passe aussi ce genre de choses là? Sans en attendre. Oh quelle horreur, mais comment t'as des trucs comme ça toi? Mais Michael, il écoute ça, c'est dans son iPhone. Non mais t'es ouf, jamais de la vie. C'est les sons qu'il écoute. Oh le plaisir. Herbert Léonard quoi. Ah mais tu connais en plus, c'est ça le pire. Attends, c'est qui le problème? C'est toi qui connais le truc quoi. Attends, hey, blind test. Je suis obligée de me cultiver avec, avec une voisine comme ça. Donc après, je fais des petites recherches sur Internet. Bah attends, et Séverine, Séverine, blind test. La vie au soleil, Claude François. Oh là là, pas mal. Attention, suivant plus dur. Ah, c'est... c'est Jérôme. Ah ouais. Ah ouais, ouais, là, je l'avais pas, celle-là. Ah, tu l'avais pas? Je l'ai pas eu, celle-là. Vas-y, vas-y, moi, je joue. T'as vraiment des trucs de ouf, toi. Ah, ça, c'est chaud. Vous avez pas yé, là? Dutronc. Dutronc, mais long. Non, ça n'existe pas. Gilbert Déco. Ah, si. Ouais, je l'avais. Vous êtes pas bon, j'ai, hein. J'ai eu ça. Bon, attention, et la très compliquée, là. Attends. Ouais, il y a la trappe, hein. T'en as plein, j'espère, hein. L'orragie de tes désirs, c'est exclusif. C'est les inconnus. Et Jimmy Chien. Ah, c'est énorme. Les inconnus, ouais. Les inconnus, c'était une vanne quoi. Bon bref, on va arrêter avec ce genre de conneries là. Sinon, dans le genre bien pourri qu'elle m'a mis aussi, le poussin piou piou à fond. Oh merde. Ah oui, on connaît, ouais. Ah malheureusement, je n'ai pas ça là. Ça, je suis désolé, hein. Je peux pas tout avoir. Ah non, là malheureusement, je n'ai pas tout en stock. Je suis vraiment confus là. Bon ben reste avec nous Séverine, on va continuer à parler des voisins relous dans un instant, d'accord? Il n'y a pas de soucis. Bon ben reste là et puis on va se faire le son de Calvin Harris maintenant en Thinking About You. Il y a un message qui est arrivé qui dit aussi Mickaël, moi j'ai fait pareil. Attends, c'est quoi? J'ai pareil, mes voisins vivent dans un deux chambres avec trois enfants. En plus, ils parlent pas français. Ah bah ouais, là quand ils s'engueulent à mon avis, je pense que c'est plutôt bon esprit à mon avis aussi, hein. Et puis des messages qui sont arrivés aussi, le Messi de la vanne qui dit Polo a de la chance de tirer Sandro, le nombre de gars qui y voudraient, ok je sors. Oui tu fais bien effectivement. Allez restez là, Mickaël No Limit sur Fun Radio, on est là pendant tout l'été jusqu'à 23h et on revient après Calvin Harris maintenant, Thinking About You sur Fun. Allez restez sur Fun Radio puisque Calvin Harris vient de passer la Thinking About You et puis surtout je vous cale le son de Michael Moore à suivre dans un instant. Ah ça va faire plaisir, c'est un petit Michael Moore dans un instant avec Ken Hold Us. Et puis je vous rappelle aussi qu'on a prévu pour vous tout à l'heure, là il y a Jason Derulo, il y a aussi Hardwell ou encore Duxos. Et si vous voulez choisir un de vos titres, hein, n'hésitez pas aussi, vous mettez le hashtag et Michael, vous balancez ça sur le Twitter. Et puis bah, on lit tous vos messages, évidemment, il n'y a pas de problème. Il y a Julie d'ailleurs sur Facebook là qui dit Fun Radio c'est trop bien. Ben merci Julie. Qu'est-ce qu'il y a aussi, le Messi de la vanne, une blonde qui se cogne trois fois. Ah oui, ça c'est par rapport à la réponse avec Maxence là. T'es là Maxence encore là pour aller à Ibiza? Oui, je suis là. Bon, très bien. Alors. Bon, répète, est-ce que tu peux répéter la colle de ce soir pour peut-être partir direction Ibiza? Alors, qu'est-ce qui a trois bosses? Qu'est-ce qui a trois bosses? Voilà, j'ai mis la question également sur le Facebook où vous pouvez participer. facebook.com/mikaelofficiel. Alors, je dis que c'était une vanne aussi, à base d'animal. Enfin, d'un animal, quoi. Voilà, je vais peut-être donner un peu trop d'indices, Max, hein, sorry. Bon, il y a Johan qui proposait un mec avec trois boules. C'est pas où c'est ça ou pas? Non. Non, il y a Timothée aussi qui dit « Moi, quand je tombe trois fois sur la tête ». Non. Non, et alors bah Sylvain qui venait de proposer là, c'est une blonde qui se cogne trois fois, donc c'est pas la bonne réponse. Bon, bah Max, donc qu'est-ce qui a trois bosses? Donc c'est une c'est à base d'animal, enfin d'un animal et c'est surtout une vanne. C'est ça Maxence hein? Ouais. Bon, très bien. Bah tu restes avec nous Max. Ouais. Bon, je vous rappelle que si vous avez la bonne réponse, il faut l'envoyer, hein, vous envoyez Mickaël, espace la réponse au 74 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique en débutant bien sûr par Mickaël ou alors sur le Facebook, vous pouvez jouer aussi facebook.com/Mickaël officiel. Bien sûr, j'ai posé la question sur le Facebook, à vous de balancer vos réponses. Qu'est-ce qui a trois bosses? Voilà, qui peut avoir trois bosses, c'est une vanne à base d'un animal. Je vous souhaite évidemment bonne chance et puis on va reparler là maintenant de donc la colle c'est fait et on va surtout reparler fantôme là maintenant. Alors fantôme, c'est avec Christophe toujours, hein, toujours là Christophe. Oui. Très bien. Christophe donc qui appelle de Meurthe et Moselle et qui a vu ce matin, enfin cette nuit, un fantôme. Ouh. Exactement. C'est bien ça Christophe? Ouais, c'est bien ça. Bon, du coup, je vous avais demandé si vous aviez déjà vu des fantômes ou si vous aviez déjà fait des soirées paranormales, bref, des trucs qui bougent tout seul. Et donc on a David qui est avec nous maintenant de Vendée. Salut David. Alors c'est pas David, c'est Vincent. Ah c'est Vincent, bah très bien. C'est comme David, c'est pareil. Ça bah voilà, bah salut Vincent. Alors Sandra qui va dire oui mais c'est parce que je suis débordé, j'ai plein de travail, alors je peux faire des erreurs. Pas du tout, c'est parce que j'aimais pas son prénom. Ouais, c'est ça, voilà autre chose maintenant. Merci Sandra, c'est sympa. Voilà autre chose. Je rigole. Bon David, alors 20 ans, toi tu voulais réagir par rapport à Christophe, donc au niveau des fantômes. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'as entendu, Vincent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Vincent, ouais, Vincent et 27 ans. Ouais, ouais. Ah, c'est Vincent et 27 ans. Alors qu'il y a David et 20 ans, donc là on est au top. Mais vous êtes deux là. C'est ça en fait. J'ai fait deux fois la même fiche. Peut-être, ouais. Bon, c'est, alors, c'est un esprit. Alors vas-y Vincent, on t'écoute. Ouais, non, bah en fait, moi si vous voulez, bon, j'ai des dons. Comme ouais. Un petit peu comme les médiums, si d'accord. Vous voulez. Que j'ai pas demandé à avoir. Ouais. Et c'est vrai que je suis rentré dans un appartement où, bah, pour le boulot, j'ai loué un appartement. Mmh. Et j'ai senti des présences tout de suite. Dans l'appartement? Dans l'appartement, oui. Ouais, d'accord. C'est ça. Et tu te faisais visiter, en fait. Ouais, c'est ça. Non, non, je me suis installé dans l'appartement. Ouais. Et je me suis réveillé une nuit et autour de mon lit, il y avait une cinquantaine de personnes. Quoi. Ah, carrément! Ah, putain, c'est la grosse fête chez toi, quoi! Ah ouais, c'est la grosse teuf, la sonde explore à fond. Allez hop, on se fait un Starfloor à la maison les mecs là, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, c'est carrément un Starfloor. Tranquille, ouais. Tranquille. Et, non, mais, ouais. Et c'est qui ces gens là? Enfin forcément des mecs morts, c'est, mais. Si c'est des mecs morts, mais c'est pas des fantômes, c'est des esprits. Des esprits, ouais ok d'accord. Bon, enfin bon c'est tous morts en l'occurrence. Il y avait des filles, ouais, des garçons, il y avait tout le monde ou... Il y avait tout le monde, il y avait moi ce qui m'a choqué le plus, c'est des mecs de l'armée rouge. De Russie. Des Russes en plus, ah ben vodka à volonté alors hein. Ouais voilà, enfin c'est. Oh, c'est assez chaud. Hein. Du coup ouais, moi j'ai pas pu dormir dans ma chambre depuis pendant une bonne grosse semaine quoi. Ah ouais bon enfin ouais, tu m'étonnes s'ils sont 50 dedans. 50 sur un lit. Donc, ouais voilà, donc ouais c'est un peu chaud comme comme histoire à vivre. Mais qu'est-ce qu'ils font du coup, là? Je suis pas resté longtemps. Mais qu'est-ce bah qu'ils oui font, mais tu m'étonnes. Mais qu'est-ce que oui mais comme toi tu ressentais les esprits là, qu'est-ce qu'ils foutaient là? T'as essayé de communiquer ou pas? Ah ben bien sûr, mais en fait c'est juste des esprits qui ont pas réussi à passer. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient chez toi? C'est ça la question. Là, pardon? Qu'est-ce qu'ils foutaient dans ta chambre? Bah parce que moi j'ai le don de pouvoir les faire passer dans l'au-delà. Si je suis open pour eux. Voilà. Ah d'accord. Et... une sorte de porte. Tu es une porte. Ouais, c'est un peu ça, oui. En fait, tu t'es pris pour Ghost Whisperer. Ouais, c'est ça, ouais, en fait, ouais. Bah, ça ressemble un petit peu à ça, ouais. Ah ouais. C'est ce genre de truc. Sauf que, bon, moi, j'étais pas prêt du tout pour faire ce truc-là. Surtout pour autant de personnes. Ouais, j'imagine, ouais. Bah oui, forcément, à 50. Et, voilà. Et du coup, c'est quelqu'un d'autre qui est venu les faire passer à ma place. D'accord, ok. Et donc, toi, du coup, tu l'as mal vécu. C'est-à-dire que... Ah. Bon. Comme bah, difficile à se remettre, quoi. Quand on se réveille la nuit et qu'il y a autant de monde autour de soi, on n'est pas confiant. On est pas... Oui, bah tu m'étonnes, effectivement, ouais. Je comprends. Donc, mais bon, pour réagir à l'auditeur qui a appelé tout à l'heure, Christophe, ouais. Ouais, je pense pas que lui ce soit ça qu'il ait vu, c'est pas possible. Bah je sais pas, après, donc toi tu l'as vu mais pas lui. Pardon? Toi tu peux avoir vu mais pas lui. Ah si, il a pu le voir, mais le problème c'est que il l'aurait vu plusieurs fois et pas qu'une seule fois. Mais il l'a vu que ce matin, enfin cette nuit, donc peut-être qu'il va revenir. Je sais pas s'il va revenir, mais je pense qu'il était là avant. Il s'est présenté cette nuit, il devait être là avant. Ah oui, je sais pas, ouais, mais c'était la première fois qu'il le voit, je sais pas. Bon, en tout cas, on va en reparler dans un instant, il y a eu aussi Marine là qui est là. Salut Marine. Salut. Comment ça va? Bah bien, merci. Bon bah tant mieux, alors mais visiblement il y a des gens qui ont peur de toi apparemment là Marine. Hein. 18 ans d'Orléans, on va parler fantôme aussi dans un instant. Ouais. Bon bah tu restes avec nous Marine. Pas de soucis. Parfait, Vincent tu bouges pas aussi tant qu'à faire hein. Je bouge pas. Ah quand on a un spécialiste et puis Christophe aussi tu restes là, on aura Bertrand pareil là pour parler des fantômes. Bertrand t'es là? Oui je suis là. Eh ben il rigole lui tant mieux hein. Ouais, ah. J'ai une histoire de dingue à raconter moi. Ah bah très bien, bah tu vas pas bouger, on va reparler avec toi dans un instant, d'accord? Pas de soucis, merci. Allez, beaucoup. Bouge pas, bah avec plaisir, on aura la colle avec aussi Maxence. On parlera des voisins également avec Séverine, leur tour là dans un instant. On aura aussi Maxime de Lorraine 64 qui veut parler également de voisins. Ça va arriver dans quelques instants. Et puis on va se mettre un petit peu de son là. On va enlever cette musique qui me prend la tête, la musique de l'exorciste. Là on va se mettre le son de Make a Mort dans un instant sur Fun Radio. Allez, bel été tout le monde là, si vous avez déjà vu des fantômes. Vous avez déjà peut-être fait, je sais pas moi, des soirées paranormales. Ben, venez nous en parler, on parle de ça sur Fun Radio maintenant, là, dans Mickaël No Limites. 20h-23h, vous nous appelez, n'hésitez pas. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. No Limites sur Fun Radio. Exactement, et on est là sur Fun Radio. Là, vous balancez évidemment votre message maintenant en direct. Vous nous appelez donc vous soyez en France 01 42 48 5000. Et puis ça fonctionne aussi au 74 900 par SMS. Hein, si vous n'avez pas internet, vous tapez Mickaël et vous envoyez votre message au 74 900. Alors il y a plein de choses qui se passent là sur le Facebook. Là, je vous ai mis la possibilité de réagir aussi par rapport aux fantômes. Je vous ai mis la possibilité de réagir aussi pour tenter de partir à Ibiza avec la colle de Maxence là. Qu'est-ce qui c'est attends, c'est quoi c'est qu'est-ce qu'il y a trois bosses? Qu'est-ce qu'il peut avoir trois bosses? Donc c'est à base d'animaux évidemment, enfin un animal en particulier, c'est surtout une vanne. Et donc si vous avez la bonne réponse, vous risquez de partir à Ibiza pour la Fuck Me I'm Famous. Vous répondez sur le Facebook. Et puis je vous ai aussi mis la vidéo, c'est une vidéo thaïlandaise d'une publicité qui doit durer une minute je crois pour un soutien-gorge. Vous allez voir la publicité juste improbable. Improbable, voilà, vous allez voir, je vous l'ai mise hein, sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Et puis on parle évidemment encore de paranormal, de fantômes avec tous vos messages là qui arrivent en direct là sur le Facebook et sur le Twitter. Vous n'hésitez pas bien évidemment hein, twitter.com/MIKL officiel là si vous voulez nous rejoindre, vous mettez le hashtag MIKL et puis on discute évidemment tous ensemble ce soir avec grand plaisir. Et puis côté son, je vous en parlais tout à l'heure, on va se le mettre maintenant. Tiens, le son de Macklemore que vous avez découvert aussi sur Fun Radio là, Macklemore qu'on écoute maintenant sur Fun, c'est Can't Hold Us. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limites jusqu'à 23h. Voilà, Macklemore à l'instant sur Fun Radio là, et bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limites et on est ensemble évidemment jusqu'à 23h, hein, vous balancez tous vos messages comme d'habitude. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël No Limites. 01 42 48 5000. Ouais, et un message qui est arrivé, tiens, Mickaël encore un débile qui raconte des conneries pour passer sur Fun avec son histoire de fantôme là. Ah ben on sait pas, non mais après ouais. C'est possible, hein, pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi, il y a Denis, tiens, l'auditeur qui était passé hier soir là, qui dit ça fait bizarre de vous écouter de chez moi, je veux être avec vous en studio comme hier, Toff, une petite blague. S'il te plaît, ouais, pas tout le temps. Du calme. Allez, du calme. Tout bon. À l'heure. Bon, restons calme. Bah ouais, Denis, en plus t'avais ramené des bonbons et tout, c'était cool. C'est chaud de voir les esprits et tout. Chapeau à toi, mec, de supporter ça. En même temps, il a pas trop le choix si ça lui arrive vraiment. Il y a Rem qui dit moi et mes voisins toutes les 5 minutes ils sonnent chez moi, ils sont relous. On en parle dans un instant. Mais avant cela, vous avez été nombreux hier à nous le demander. Des nouvelles de Samuel. Samuel qui est avec nous là de retour. Sam. Salut toute l'équipe. Salut Samuel. Salut Sam. Bon, avant de revenir sur les fantômes et les voisins là, Samuel maintenant là qui est de retour parce que bah on en avait parlé, c'était la semaine dernière, fin de semaine dernière, tu nous avais appelé parce que bah t'avais fait une connerie avec ta copine, t'avais été voir une autre et surtout bah le problème voilà, c'est que l'autre est tombée enceinte et c'est surtout ça le souci. Moi je suis pas d'accord, c'est pas une connerie, c'est juste comparé. Ouais, c'est ça, c'est comparé. Bah oui, elle a pu avoir un bébé pas l'autre finalement, tu vois. Voilà, tu vois, t'as comparé. Bon, bon. En fait l'histoire au final c'est bien terminé. Hein. Bah attends, parce qu'en fait, donc, pour remettre les choses au clair pour ceux qui étaient pas là, donc, la maîtresse menace, donc, est tombée enceinte, et te menaçait si tu ne venais pas avec elle, donc, si elle ne devenait pas ta femme officielle, de tout balancer à ta copine. Donc, toi, tu les avais appelés, t'étais un peu emmerdé, ce que je peux concevoir. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Donc, aujourd'hui, j'avais rendez-vous cet après-midi toutes les deux. Mais comment ça se fait? Tu leur as dit? Oui, j'en ai parlé à ma copine avec qui je suis depuis un an. Ah bah attends, parce que avant de nous parler du rendez-vous là, comment elle a réagi? Bah donc je me suis pris une femme dans la gueule. Ouais bah attends, bah ça c'est normal. Je l'ai bien cherché, je savais très bien que ça allait terminer comme ça. Sans blague. Elle m'a demandé son numéro. Ouais. Je lui ai donné comme parce que j'assume ce que j'ai fait. Elles se sont appelées, elles se sont données rendez-vous. Oh là là. T'as dû être en stress pendant le rendez-vous toi. Ouais, j'étais en stress. J'attendais juste une chose, c'est qu'elle rentre pour savoir comment elle allait réagir. Et au final, ça s'est conclu que en fait elles se sont bien parlé. Ma copine m'a pardonné ce que j'ai fait. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Mais c'est pas possible d'avoir autant de chance. L'autre il fait. Attends, c'est pas comme si t'avais été couché un one shot avec une meuf, t'as fait un gosse à une autre. Et du coup maintenant le gosse on va le garder. Non mais c'est pas sérieux. Vous allez le garder à trois? Non, c'est ma copine qui. Je sais pas ce qu'elles se sont dit. Déjà ma copine est rentrée chez moi. C'est pas qu'elle avait le sourire aux lèvres, mais bon, elle était. Je l'ai trouvé. Ah ben elle m'a demandé d'être la marraine, c'est génial. Mais vous c'est un truc non, de Non mais malade. C'est un truc de fou, ça arrive même pas dans les films ce genre de truc. Elle a dit que donc elle allait mettre au monde l'enfant que j'ai fait avec elle et que j'allais subvenir aux besoins. Dès qu'elle avait besoin, elle m'appelle. je l'aiderai pas à élever l'enfant, mais je serai là pour lui quand il a besoin et... Non mais ça c'est hallucinant, tu sais, franchement tu m'aurais raconté ça, je t'aurais dit ouais c'est ça. Putain, non, et là non, ça moi, arrive en vrai quoi. Voilà, moi quand elle m'a dit ça, j'avais un plan en moi. Ah bah tu m'étonnes, évidemment, toi t'as fait la bonne affaire. Bon alors la bonne affaire, bon t'as quand même un gosse, mais je veux dire, sinon tu gardes ta copine, l'autre elle te menace plus, enfin tout va bien ouais, quoi. Enfin moi je crois que la copine elle va lui mener la vie dure, mais un truc de dingue. Je serai là pour l'enfant, si la mère avec qui j'ai fait l'enfant elle a besoin d'argent, je serai là pour lui en donner, je serai là pour l'enfant dans tous les cas. Mais attends, mais tu sais que effectivement, comme disait Toff, elle va te pourrir la vie, ta copine, elle aura raison, hein. La moindre connerie, elle va te rappeler que. Oui, mais tu te souviens la fois où tu m'as trompé? Attends, parce que elle, là, pour le coup, c'est open bar, hein. C'est-à-dire qu'elle peut aller voir les mecs. N'importe qui, elle peut te tromper quand t'es. Oui, mais qui c'est qui a commencé? J'ai regardé ma copine dans les yeux, je lui ai dit ce que je t'ai fait, c'est impardonnable. Donc si. De toute façon, je lui ai dit si elle a envie de me tromper une fois, d'aller voir ailleurs une fois, je comprendrais ce qu'elle. Qu'elle le fasse. Oh là là, un partout la balle au centre quoi. je vais pas ouvrir les bras à ça, mais je vais autoriser à. Non mais t'imagines, elle arrive un jour, Samuel. Oui. Mmh. Bah écoute, je t'ai trompé. Oui, bah écoute, je t'avais dit ok, hein. Et je suis en cloque. Voilà. Non, quand même. Alors je te donne le numéro du mec, hein, tu l'appelles, voilà. Tu lui dis que tout est ok et qu'on va le garder. Exactement, donc en fait vous habite échanger les gosses, hein, comme ça c'est tranquille. Non mais c'est hallucinant cette histoire. Bah écoute, il y a Angélique, hein, qui dit il a de la chance, bah ouais, il y a Anaïs aussi qui dit ah bah ça c'est bien fini, c'est ouf, c'est impossible. Il a une anguille, il y a anguille sous roche. Attends, c'est bien fini, attends que le gamin arrive, ça va être d'autres problèmes qui vont arriver là. Ouais, mais parce d'accord. Parce que là, t'en parles, Samuel, non, mais à la cool. Non, mais par rapport, attention. Non, mais par rapport au fait que sa copine ait validé, entre guillemets, le truc, c'est ça qu'on dit que c'est de la chance. Ouais. Oui, après, voilà, il a un gosse, ouais. Après, l'enfant, c'est autre chose. Bah ouais. Il y a Ben qui dit, joue au loto, Samuel, là, t'es un gars qui a une de ses chances. C'est clair, hein, putain. Oh là. Une chance de cocu. Ah ouais, bah pour le coup, ouais. C'est hein. Le cas de le dire. Allez, Jennifer aussi qui dit, Mickaël, c'est vraiment une histoire de fou. Ah bah ouais, un truc de malade. Bah écoute, bah tant mieux, Juju qui dit, oh, Samuel a fait des conneries, il s'en sort bien, c'est nul. Quel rageur. Ah ouais. Ouais, elle aurait voulu que tu te fasses laminer, en fait, directement. Ouais. Enfin, des news de Samuel, c'est Clara. Bah ouais, tout le monde attendait des nouvelle, hein, ça y est, c'est fait là. Écoute, bah t'as de la chance, bah tant mieux pour toi, Samuel. Hein. J'espère ouais, que ça t'aura servi quand même de leçon, même si ça se termine bien pour toi. Bah ouais, je vais être papa en fait, donc. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Ouais. J'ai d'autres responsabilités là, donc. Ah ouais, là tu vas. Ouais. Et beaucoup de choses qui m'attendent. Ah ouais, tu regardes comme ça par exemple. Voilà, tu vois. Ah, quand il va gueuler là. J'ai faim, je peux jouer, ça va gueuler. Puis ça va pleurer aussi, ouais. Puis à un moment, ça va être malade aussi, tu vois. Bah après j'assume. Ah ouais. J'ai fait la connerie, maintenant j'assume. Puis ça va jouer aussi, ouais. Non, il joue là pour le coup, hein. Non mais. Puis faudra le garder quand la mère elle voudra sortir. Ah bah de toute façon j'ai dit à la mère que si elle avait besoin j'étais là, donc c'est la moindre des choses que je puisse faire. Déjà Dieu. Puis quand tu auras le deuxième. Déjà on en est au premier ça. Bah ouais, mais après il y aura le deuxième, les cousins et tout, puis après. Puis ils vont être malades en même temps là, puis. Arrête, c'est ça. Ça va gueuler et tout, c'est une horreur, là, regarde ça. Oh là là. Voilà, tu vois. Quand t'en as plein là, c'est. Là, ça commence à avoir mal aux oreilles. Ah bah ouais, mais bon, après mec, t'as voulu, hein, c'est ça. Moi j'essaye de te mettre dedans, tu vois ce que je veux dire. Bon, il y a Mélie aussi qui dit c'est une histoire de malade, il a une chance de cocu le mec, c'est qui avait envoyé le message. Tout se finit bien, c'est Melinda qui a envoyé ça. Et putain la chance qu'il a, c'est Roland qui avait envoyé ça sur le Facebook. Ouais, pour le coup, vraiment. Hein. Bon bah écoute, bah merci d'avoir donné les nouvelles en tout cas Samuel, ça fait plaisir. Merci de m'avoir aidé, merci à tous les auditeurs d'avoir été là. Comment bah, écoute, choisir les prénoms. Ah ouais, comment tu vas l'appeler Samuel? Enzo. Si c'est un garçon et Inaya si c'est une fille. Enzo. Ah parce qu'en plus c'est toi qui choisis les prénoms. Ouais c'est ça, donc t'as foutu la merde et c'est toi qui choisis. Ouais. Et c'est la mère, elle est d'accord ou tu vas lui imposer? Pour le garçon elle est d'accord, mais pour la fille elle est pas d'accord. Donc de toute façon, dans cette histoire j'ai rien à dire. Donc. Ouais c'est ça, voilà. C'est juste que tu proposes et puis voilà quoi. Bon. Voilà, je ferme ma bouche et puis voilà. C'est ça. Bah écoute ouais, Samuel. Déjà assez ouvert. Ouais c'est ça, ouais, il vaut mieux la mettre en veilleuse maintenant. Salut Samuel et bonne soirée, à bientôt. Big up à toute l'équipe. Allez, ciao, ouais, big up à toute l'équipe. Samuel, ciao, il y a Arthur aussi qui dit ça, c'est juste énorme comme histoire. Elle va te faire un coup dans le dos, je pense. Mais même pas parce qu'il lui a dit, bah écoute, avec ce que je t'ai fait, c'est open bar, hein, ma chérie, bah tu m'étonnes. Ouais, avait peut-être déjà un truc à se faire pardonner. Peut-être, ouais. Clara aussi qui dit, c'est pas possible que sa copine réagisse comme ça, la vengeance sera sera terrible. C'est vrai que peut-être qu'elle a fait un coup monté avec la maîtresse là maintenant. Ah, ouais. Peut-être, peut-être. Mais non, mais les femmes ne sont pas aussi vicieuses. Non, c'est bien mal les connaître. C'est peut-être pas terminé cette histoire. C'est clair, encore, c'est bien mal les connaître. Bon, on va continuer maintenant avec la colle du jour, là, une dernière. On va la relancer une dernière fois là. Max, t'es là, Max? Ouais. Parfait. Ouais. Dis donc, t'es sûr que t'es en forme, Max, là? Parce que j'ai l'impression, à chaque fois qu'on te prend au téléphone, que t'as enterré toute ta famille aujourd'hui. Vitamine et une ampoule de calcium. Ouais, bah, c'est ça. Tu vas prendre effectivement une vitamine, oui. Bon, alors, Max, rappelle la colle. Qu'est-ce qui a trois bosses? Voilà, qu'est-ce qu'il y a trois bosses? Vous avez la bonne réponse. Alors c'est un animal et c'est une vanne aussi accessoirement la réponse. Donc si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez votre réponse pour peut-être partir à Ibiza avec vos deux tickets pour la Fuck Me I'm Famous. Et en plus de ça, l'appareil photo numérique sera pour vous. Qu'est-ce qui a trois bosses? Qu'est-ce qui peut avoir trois bosses en l'occurrence? Vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez votre réponse sur le Facebook, par exemple, facebook.com/mikaelofficiel. J'ai mis un post hein, où il y a la question, il suffit de répondre sur ce post et puis on fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bon ben Max, tu restes à l'écoute là. Ouais. Bon, il y a Florence là qui vient d'envoyer trois ânes ou trois dos d'âne. Non, il y a Nicolas qui dit DSK. Non. Ah merde, d'accord, ok. Il y a Morgane aussi qui dit Rocco Siffredi. Non. Bon, Clara qui proposait une taupe. Non. Et alors il y a Sam qui dit un trimadaire. Non. Bon bah écoute, alors bah, très bien. Bon bah si vous avez la bonne réponse, à balancer ça, facebook.com/mikaelofficiel. On vous attend. Bon bah à tout à l'heure Max. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et Max qui a toujours cet air de j'ai enterré toute ma famille. C'est particulier. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Il est concentré. Mais je ne sais pas. Bon, retour avec les fantômes là maintenant là. Les fantômes, c'est avec Marine, qui est toujours là, Marine. Oui. Bon, parfait. Alors, il y avait aussi Vincent là qui nous a raconté son histoire et donc Christophe qui lui avait lancé le sujet. Hein, Christophe qui nous avait dit que il avait vu un fantôme cette nuit. Hein, il s'est endormi entre minuit et une heure et il a vu le fantôme entre 5 et 4 heures. C'était ça, hein, Christophe. Ouais. Ouais, c'est ça. Et il confirme, c'est bien. Bon, il y a Vincent qui nous dit qu'il a lui a failli habiter dans une maison où il y avait une chambre avec 50 esprits qui étaient dedans. Et alors Marine, toi du Loiret, donc à Orléans, tu nous racontes quoi? C'est quoi l'histoire avec les fantômes? Bah moi en fait, j'étais chez mon oncle, je dormais toute seule dans le salon, les autres ils étaient dans les chambres un peu plus loin. Et en fait, c'était l'hiver, j'avais super froid, donc j'arrivais. Et puis j'étais couchée sur le canapé et là en fait j'ai vu un fantôme passer super vite qui était en fait, vous voyez que la moitié du fantôme. Il est passé super vite au-dessus du canapé contre le mur, donc j'ai vu que la moitié. Et c'était un vieillard, j'ai eu super peur, quoi. J'ai pas dormi de la nuit après. Mais le truc est parti, je l'ai vu quoi, une demi-seconde et puis Mais voilà. ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à, tu sais, les fantômes dans les dessins animés avec un drap blanc sur la tête ou Ah non, du tout, vraiment un homme mais tout en blanc un peu transparent, quoi. Blanc transparent. Ouais, voilà, ça, c'était, je voyais quand même à travers, mais ça restait un peu blanc, quoi. Oui, c'est particulier, effectivement. Ça ressemblait vraiment à un vieil homme. Mais tu l'as vu qu'une fois? Ah oui, parce que je vais très rarement chez mon oncle. Hein. J'ai dormi dans ma vie, j'ai dû dormir une 5, 6 fois, pas plus. Ah ouais, moi j'aurais été moins de fois que ça, hein, pour le coup. Avec, Ouais, mais là, c'était il y a un peu moins d'un an. Et depuis, je ne peux pas y retourner. Donc, tu m'étonnes. Et donc là, depuis, mais ça n'est arrivé que là-bas. Ouais, c'est arrivé que là-bas. Et par contre, mon cousin et ma cousine qui dorment là-haut tous les week-ends, bon, ils dorment pas dans le salon, mais ils n'ont jamais rien vu. D'accord, ok. Bah c'est peut-être juste pour toi, un mec qui passait dans le salon. Ouais, voilà, peut-être. Vas-y, je vais te faire un coup de flip, tu vas pas dormir de la nuit. On va savoir. Non, en fait, il venait juste te checker et tout, voir si t'allais bien, mais toi, tu l'as mal pris, c'est de ta faute. Ouais, non, mais voilà, le truc, il m'a pas fait dormir de la nuit. Tu m'as fait froid et tout, j'étais toute seule, limite, j'avais envie d'aller voir mon cousin, lui dire, vas-y, je dors avec toi, c'est pas possible. Oui, réchauffe-moi, s'il te plaît, oui. Sandro! Arrête. Ah, ça a pas marché, merde. Putain, tout à l'heure, ça a marché, j'ai même pas dû crier, là, maintenant, il s'est rien passé, donc, dommage. Bon, attends, il y a aussi Bertrand qui est avec nous, là, des Pyrénées-Atlantiques. Salut Bertrand. Salut. Comment va? Ça va, et toi? Bon, oui, ça va, tranquille, ouais. Bienvenue à toi, Bertrand. T'as 16 ans, toi? Merci. Bon, ça se passe les vacances? Ça se passe, tranquille. Tu fais quoi là? T'es déjà parti? Tu es revenu? Non, mais je pars pas, moi. Ah, tu pars pas? Ouais, tranquille. Ouais, bah t'as bien raison aussi. Hein. Tu restes avec les fantômes? Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, alors vas-y, fais péter, c'est quoi l'histoire, toi, des fantômes? Bah, alors, hier soir, on était avec deux copains dans la forêt vers 2h du matin. Ah, c'était hier soir, là... c'est du tout frais, quoi. Ah, ouais, c'est vraiment du tout frais. Je vais vous raconter. Et donc, on a vu une apparition. Donc, on pense que c'était une femme. Sauf qu'on s'est barré en courant. Ouais. Et notre copain qui courait un peu moins vite, ben on l'a perdu. On l'a toujours pas retrouvé, on n'a plus de nouvelles. On non, t'es sérieux, attends, t'as perdu ton copain hier et... Ah ouais, on a cherché partout toute la soirée, donc si vous pouvez passer un avis de recherche, c'est sympathique. Non mais t'es dit, tu fous de gueule là, non? Quoi? Ah non, tu te fous de nous là? Je vous promets que c'est vrai. Il y a non, attends, vous faites une balade en forêt, vous perdez un pote, et c'est pas grave. Non, on l'a cherché partout, mais non, mais bien sûr que oui, c'est grave. Voilà. Mais il s'appelle comment? Il s'appelle Patrick, Patrick Canton. Mais non, mais c'est pas possible. Je vous promets que c'est vrai. Non, je vous jure que c'est vrai. Bon, c'est quoi l'histoire? Vous êtes parti en forêt, qu'est-ce que vous étiez foutre en forêt hier soir? Bon, on rentrait de chez un copain, donc c'était le chemin le plus court pour rentrer. Bah oui, bah oui. Bah moi aussi, quand je vais parfois chez Polo, tu vois, je passe au milieu de la forêt. Bah c'est le mieux. Bah oui, c'est plus facile. Non mais c'est vrai, c'est plus simple. Court. Et puis parfois voilà. quand on va avec des potes et qu'on en perd un, bah on le laisse là-bas parce qu'on l'a cherché après, on l'a pas trouvé donc. Et on appelle Fun Radio le soir. Bah voilà, c'est ça, pour essayer de le retrouver. Non mais c'est vrai, t'as raison. Vous pouvez pas faire ma vie de recherche s'il vous plaît. Ah bah si, mais là la vie de recherche il est passé là. Attends, mais Vincent qui peut parler aux esprits, tu peux pas retrouver son pote Vincent des fois que. Ouais, ça va être chaud. Ah ça va être chaud. Et Marine. Tu l'as qu'il est mort, peut-être. Bah ouais, bon, on espère pas. Non, j'espère pas, dis pas des choses comme ça, je te dis pas. Eh, Marine. Oui. Marine, tu peux pas, tu l'as pas vu passer, toi? De quoi? Bah le pote, là, non? Ah non, moi c'était un vidéo, donc avec son pote. Attends, j'ai rien compris, Marine, parce que là, il y a visiblement un fantôme qui essaye de prendre possession de ton corps, ou en tout cas de ton portable. Est-ce que tu peux répéter, tu dis? Oui, j'ai dit, ouais, ça, à moins que son pote ce soit un vieux, je vois pas, quoi. Non, parce que bon. Moi, le fantôme, c'était un vieux, donc... Ah bon, d'accord, mais il est pas vieux, le pote, là, Bertrand? Non, il a mon âge, il a 16 ans aussi. Ah, il a 16 ans aussi, d'accord, ouais, ok. Ouais, bah non, là, le mec, s'il avait 60 ans, c'était déjà bien, donc voilà. Oui, bah voilà, ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah la vie de recherche est passée, Bertrand, là, on cherche le pote, là. C'est-à-dire que là, on va envoyer Toff et Polo, là, ils vont partir enquêter, là. Hein. D'accord, mais très bien. Bah, écoute, Non, mais rigolez pas. Non, on rigole pas, c'est juste encore une fois, Sandra qui a eu peur pour rien, c'est pas grave. Ah, elle s'inquiète. Ouais, voilà, ouais, elle s'inquiète pour son pote. Mais bien sûr qu'elle s'inquiète, exactement. Et en plus, non, mais en plus, t'imagines, là, il est dans la forêt, là, imagine, il y a un loup. Ah ouais, bon, il y a des fantômes déjà, c'est pas génial. Alors, ah bah, et puis, il peut y avoir des ours, des loups. Ouais, ça peut être la galère non, totale. Ours, pas possible, des ours, non. Non, bah juste un loup, quoi. Ouais, je pense. Ouais, ou des hiboux. Ouais. Bon, ça va. En fait, ça fait peur, hein, quand même, mais la ouais. forêt. T'es là ouais, comme ça dans la forêt ouais. tout seul, et puis t'as tout ce bordel qui arrive, là, tu sais pas d'où ils viennent. Bah, franchement, ouais. Une vraie galère, quoi. Bah ouais, évidemment. Je comprends. Ouais. Bah écoute, le message est passé, en tout cas, et puis, puis nous, on va chercher, hein, ce soir, là, on va partir dans la forêt, y'a pas de problème. Mais c'est gentil. Avec plaisir, Bertrand. Vous venez à Mourenne, d'accord? Bah là, toi, fais partie, là. Voilà, il est en chemin, et puis on arrive, Bertrand, là, on va mener l'enquête. Mais très bien, c'est gentil. Bah écoute, avec plaisir, nous aussi on peut rendre service, y'a aucun souci, Bertrand. Bah tiens-nous au courant, hein. Ok, mais très bien. Bon, je ça marche. Ah bah parfait, on compte sur toi. Allez, bah vas-y, à ton pote. T'as perdu un pote ouais, et tu fais une dédicace pote. À la radio, alors, bravo. Une dédicace à vous tous déjà. Merci. À toute ma bande, ils se reconnaîtront, ma famille, ma copine. La première écho de Mourenx, tout le monde, vous dédicacez tout le monde. À Thierry, à donc, il a pris le crédit de tout le monde là. Attendez, comme si un seul normalement. Il nous a inventé cette histoire juste pour faire ses dédicaces. À Fernando, à Paco surtout. Allez, le dernier maintenant. Paco le chat, vous le dites bien. Bah tu l'as dit. Eh ben voilà, c'est fait. Bon ben Bertrand, ben, le message ben est passé. Voilà. Les messages sont passés parce que comment t'expliquer que là, on est juste mort en termes de dédicaces là. C'est-à-dire que ça a saoulé tout le monde, à mon avis là, je pense. Bon ben Bertrand, merci à toi en tout cas d'être passé. Christophe, Vincent et Marine, merci à vous aussi d'être venus pour parler de vos fantômes là. Et puis vous revenez quand vous voulez sur Fun Radio. Vous êtes chez vous, hein, pas de problème. Hein. Ben, pas de soucis, merci. Ah, ben, gros bisous. Pas de problème, Lucas, s'il vous plaît. Oui, Christophe. Okay. Non, oui Vincent, qui me parle? Ouais, un petit peu tout le monde, je crois. Vincent, vas-y, Vincent. Ouais, non, mais pas de soucis. Eh ben, très bien, bah, parfait. Eh ben, n'oubliez pas de prévenir vos potes et vos amis, là, qu'on est de retour. Hein. 20h-23h sur Fun Radio. Là, je compte sur vous, Vincent, Marine. Hein. Ouais, pas aucun problème. Bon, salut à vous, ciao. Christophe, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je peux passer une dédicace, s'il vous plaît. Ah, vite, mais à une seule personne, hein, parce que l'autre, là, Bertrand, là, comment t'expliquer qu'il a pris tout le crédit, là? Vas-y pour la dédicace. Ben, je passe une dédicace à ma meilleure amie. Ah ben, très bien. Ça, t'as envie de la pécho, toi, non? Ton verre de pain, on l'a compris, ouais, t'inquiète. Bon, ben, Christophe, merci à toi d'être passé dans le 54. On embrasse tout le monde. Salut, Christophe. Pas de fun, s'il vous plaît. Ah, bah, tu vas. Bon, on en a pas encore. Ils arrivent au mois de septembre, Christophe, les packs. Ok. Bah tu redemandes, ouais. Tu redemandes au mois de septembre, on t'enfilera un sans problème. On aura Anastasia aussi dans un instant là pour parler encore des fantômes et visiblement sa mère aurait testé un truc qui fait peur là, c'est ça Anastasia en gros hein. Ouais c'est ça. Bon bah tu bouges pas de là, on va revenir avec toi dans un instant Anastasia, on va revenir aussi avec Séverine et les voisins là et puis dites-nous tiens si vous avez déjà eu des problèmes de voisinage, genre les voisins qui font du bruit, genre ça fait trop de bruit, etc. Et bah venez nous en parler, 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard, vous appelez d'où que vous soyez en France et d'où que vous soyez en Belgique au 02 851 4x0 sur Fun Radio, je compte sur vous. On va revenir dans un instant et comme promis le son de Major Lazer sur Fun. Voilà le son de Major Lazer découvert dans Party Fun. On va se le mettre dans un instant sur Fun Radio avec Watch Out For This. Ah bah bonnes vacances tout le monde et bon été. C'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 23h sur Fun. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Mickaël. Attendez la suite. Mickaël No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Et ouais, on est là sur Fun Radio, là, en direct. Hein, vous balancez tous vos messages dans toute la France, où que vous soyez, 01 42 48 5000. Il y a le Facebook qui fonctionne également. D'ailleurs, il y a du lourd, là, sur le Facebook. Là, hein. Vous pouvez aller regarder la vidéo que je vous ai mise, la pub thaïlandaise pour un soutien-gorge. C'est improbable. Allez voir la promo, enfin, allez voir la pub, plutôt. Elle est sur le Facebook. Là, vous donnez vos avis également, là. facebook.com/mikl officiel. Dans moins de 5 minutes, allez, 5-10 minutes, on donnera aussi la réponse, là, à la question... À la colle de ce soir pour partir direction Ibiza. On aura aussi Séverine dans un instant. Elle est toujours là, Séverine? Oui, toujours à l'écoute. Bah, tant mieux. Ah bah Séverine, tu restes là encore évidemment. Là, on va parler avec toi dans un instant, d'accord? Pour les voisinages, enfin le problème de voisinage, d'accord? Oui. Bon, reste avec nous. On aura Anastasia aussi là évidemment. Et puis on va se faire le son découvert là dans Party Fun. Je vous en parlais il y a quelques instants. C'est Major Lazer sur Fun Radio. Et puis pour ceux qui se posent la question, là, ce sera Dada Live tout à l'heure à partir de 23h dans Party Fun. Donc restez bien sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. On est là tout l'été jusqu'à 23h. Bonne soirée tout le monde. Hey, allez, Mickaël No Limit sur Fun Radio, c'est jusqu'à 23h. Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer avec Major Lazer à l'instant. C'était Watch Out For This. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. 01 42 48 5000. Eh ben, profitez-en, on est là. Il y a Sandro qui vous attend, là, qui attend vos appels au standard. C'est un peu calme ce soir, on aimerait bien que vous vous réveillez un petit peu, là. Mais t'es malade, c'est calme. Voilà. Tu te fous de moi ou quoi? Bah, appelez-la juste pour lui dire. Salut Sandro. Hop là, juste maintenant. Mais là. Les numéros s'affichent. Oui, alors. Je note les numéros et vous serez blacklistés. Appelez en masqué. Livre d'auteur. Non, on a les numéros. Les livres des auditeurs. Ouais, arrête ton cinéma, il n'y a pas de livre. Arrête ton cinéma. Moi, je pense que les auditeurs, ils appellent pour juste qu'elles disent. Enfin, ils disent à Sandro, montre un sein à Polo. Ah ouais, ça c'est bien ça. Parce que. Tu sais quoi, je ne décroche plus. Et comme ça, il n'y aura plus personne. C'est ça, c'est ça. Même, appelez pas en masqué, on a quand même vos numéros. Vas-y, genre, allez, t'as la police là, tu sais. Oui, moi j'appellerai la police, j'appellerai la gendarmerie. N'importe quoi, là. Bon, allez, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. Vous nous appelez, il n'y a pas de problème. On va récupérer, comme promis, Séverine dans un instant. Il y a Anastasia qui voulait parler fantôme également. Mais avant cela, le nouveau jeu, évidemment, je vous en parlais. Là, le nouveau jeu, c'est la rupture. La rupture, on va le faire, on va vous montrer comment ça se passe. Alors, le principe est simple. Donc, on appelle quelqu'un au hasard. Et le principe, donc, c'est de faire une scène de rupture, en fait, tout simplement. La plus longue possible ou la plus triste possible. Alors, les deux, c'est encore mieux, évidemment. Alors, plus c'est long et drôle, évidemment, mieux c'est. Donc, comme on va pas appeler 100 fois, là, t'as deux chances. D'accord. Voilà, deux chances pour tenter le truc. Alors, bien évidemment, ce sont les auditeurs qui vont départageront en égalité, etc., etc., bien entendu. Mais évidemment. Mais voilà. Crois pas, j'ai confiance en toi, t'es mon poulain, t'es mon champion. Le meilleur. Et, ouais, bah, t'emballes pas non plus. Hein. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, vous me faites un mail maintenant, mikael@funradio.fr. Et puis, on va, on jouera ensemble, évidemment, tout à l'heure. Donc là, c'est Tof qui tente. Allons-y. Allez, c'est parti. Donc, le principe, on y va, on appelle. C'est la rupture. On appelle quelqu'un qu'on ne connaît pas, évidemment. On appelle totalement au hasard. Et, il faut faire une rupture, tout simplement. Alors, j'ai prévu ça comme musique de rupture. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh. Ah, j'ai déjà plus envie de rompre. C'est Ghost. C'est Ghost, ouais, exactement, ouais. Avec Patrick Swayze. Bon, on y va. Oui, pour rester avec dans les fantômes. Ouais, exactement. Bon, on y va, c'est parti. Ah bon, oui, on y va. Allez, non, mais je voulais sûr que tu sois prêt parce qu'après, je me dis, ouais, mais j'étais pas prêt. Attends, je dis pas. Mais si, je suis prêt. Bon, allez, on y va, c'est parti. Hop là. Qui? Comment ça c'est qui? Ça va? Tu fais semblant de pas me reconnaître? Non, c'est bon, j'ai reconnu. Ah ouais? Eh ben franchement c'est pas sympa ce que tu m'as fait. Hein. Pourquoi? Bah attends, tout l'amour qu'on a partagé, et tu le prends comme ça, tu me lâches comme une vieille merde. Pourquoi ? Bah t'aurais pu être un peu plus sympa quoi, franchement. Moi je croyais qu'on allait vivre quelque chose de grand tous les deux. Ouais. Ouais. Et toi ça te fait rire. T'as vraiment pas de cœur. Mais ouais. Ouais. Bah c'est pas cool hein. Tu pourras au moins t'excuser. Mais je suis désolée, mais je devais raccrocher. Ouais ouais c'est ça, ouais, tu dois raccrocher, ouais. Ouais, parce que tout ça parce que t'assumes pas. Bah moi je voulais te dire tout est fini entre nous. Hein, donc c'est plus la peine que tu me rappelles. Ouais d'accord. Ok. Au revoir. Ouais c'est ça, ouais, salut, casse-toi. Ça a été, t'as eu de la chance. Mais je crois qu'elle s'attendait à quelqu'un d'autre. Ouais ouais, je pense ouais. Tu lui as fumé son couple en ouais, fait. Ouais. T'imagines. Elle était tellement triste à la bon, attends, fin. Attends, on a un autre numéro, on va rappeler. Je ferai le jeu aussi, tiens, pour voir là. Parce qu'il y a un moment, Tof, il va se la ramener encore 107 ans, mais il va falloir vite le calmer. J'ai le droit à deux chances, je veux ma deuxième chance. Ouais ouais, bah alors ok d'accord. Allez hop, c'est parti, on appelle. Allez, vas-y. Je ferai pas toujours la chanson là. Ça marche. C'est qui ? Ouais, je t'appelle là. C'est pas bien ce que tu me fais. Hein. C'est qui ? Bah c'est moi, attends. Qui moi ? Ouais, c'est moi, attends. Tu me fais genre, tu me reconnais plus ? Attends, ça y est, on passe une nuit torride et après tu fais genre, je sais pas qui t'es ? Moi je suis pas ta pute, moi je suis pas une pute déjà de A. Donc je suis pas une salope, ok? Alors moi je te conseille d'effacer mon numéro, d'accord? Ouais c'est ça, mais toi aussi tu vas effacer mon numéro hein, parce que c'est pas la peine de me rappeler hein. Mais sans ta gueule, espèce de petit con, moi ton numéro y'en a connu. Ouais. Déjà de là, ta voix je sais quitter, d'accord? Ouais. On va habiter ou détrain à Venise. Alors moi puis la bande d'abord, vous allez arrêter de m'emmerder pour de toxicomanie alcoolique. Qu'est-ce que c'est que cet appel improbable? Attends, on la rappelle. Attends, ouais, dire c'était fini. Vas-y. Ouais, ouais, mais bien sûr qu'on va la rappeler. Attends une seconde, elle la bouge pas. Il y a de gros mots. Je sais pas, mais c'est assez improbable. Secondes, là. Mais dis donc, bon, on rappelle. Allez, c'est parti là. Elle m'a tué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Allez. Bah, elle décroche plus maintenant. Ah. Ouais, je voulais te dire, de toute façon, tout est fini entre nous, ok? T'as bien compris? Ouais, t'es loin toi aussi. Bon, t'as compris ce que je viens de te dire ou pas? Ah ben elle a raccroché, voilà, c'est parfait. Bon ben je pense qu'elle a bien compris hein. C'est pas vraiment une réussite quoi. Si. D'accord, mais c'est. Ah si, c'est une belle rupture moi. Je ouais crois. Ouais, c'est ok, une très belle rupture. D'accord. Bon alors du coup, on compte pas le deuxième appel parce qu'elle a pas parlé. En termes non, de timing, on compte je parle. Pas, ouais. En termes de timing. Comment ça, on compte pas le deuxième appel? Bah non, elle a pas parlé. Il y avait personne, Tof. Il y avait personne. Le troisième appel. Ouais, enfin, oui, le troisième, oui, ouais. Oui, non, on compte pas le. Voilà, non. Donc ça fait un record de. C'était 50 secondes, si mes souvenirs sont bons. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 50 secondes, effectivement. Bon, si vous pensez faire mieux, on appelle quelqu'un au hasard, là. Si vous voulez tenter votre chance, là, vous inscrivez maintenant, vous envoyez votre numéro de téléphone sur mon mail, mikl@funradio.fr. Voilà, je compte sur vous. Tu penses que tu pourrais faire bien si Anastasia ou pas? Ouh, Anastasia qui va couper sa radio très rapidement là. Désolé. Voilà, nickel. Bon, donc toi tu t'arriverais pas toi à appeler quelqu'un au hasard et Non, je pense que je commencerai à rigoler donc ça me fait pas trop quoi. Ah bah ouais, j'imagine, d'accord, ok. Bon bah très bien. On parlera jalousie aussi dans un instant avec Alex là, qui est déjà là de Lille. T'es là Alex? Allô? Allô Alex? Oui. Oui. Est-ce que Lille ça est va là? Est-ce que les Lillois vont bien? Les Lillois vont bien, ouais. Bon, me voilà rassuré dans le Pas-de-Calais alors. Bon Alex, on va parler de jalousie dans un instant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon bah bouge pas de là Alex, on va parler avec toi dans un instant. Avant ça, on termine avec Anastasia là. Enfin, on commence plutôt avec Anastasia de Bretagne là, Côte ouais. d'Armor, 18 ans. Alors Anastasia, toi c'était par rapport aux fantômes encore là pour terminer? Ouais, bah en gros ma mère, elle a fait tourner les tables chez moi. Donc en gros, elles avaient un jeu de vaudou là sur le truc avec les lettres. Les lettres et les chiffres en cercle là. Ouais. Ouais, c'est flippant. Et du coup, elle est allée demander à mon père un verre en cristal pour faire, parce qu'apparemment ça marche qu'avec un verre en cristal quoi. Et elle était avec le parrain de ma soeur et un de leurs potes. Et mon père voulait surtout pas aller jouer là-dedans parce qu'il veut pas toucher aux esprits et tout. Ouais. Et en gros, le verre il s'est projeté contre le mur, il s'est brisé. Elle est allée demander un deuxième à mon père. Elle en a pris un deuxième. Le deuxième s'est brisé. Bon, au bout du troisième, mon père, il voulait plus, quoi. Sans blague. Et, qu'il a ils plus étaient voulu. Trois. Et ils étaient... Bon, bah, y avait, en gros, ils étaient tous les trois à côté de la même histoire, quoi. Et déjà, il s'est brisé contre le mur, quoi. Putain. Ah ouais, ça, par contre, ça peut foutre les boules, ça. Il a volé à travers la pièce, quoi. Ouais, mais ça, par contre, effectivement, ça peut foutre les boules. Je suis d'accord. Ouais. mais ils ont essayé, hein, ils ont réessayé après le premier verre quand même. Enfin, c'est chelou, quoi. Putain. Mais moi, je propose que quand on va faire l'émission tard dans la nuit, qu'on fasse une fois une petite séance avec. Bien sûr, avec plaisir. Ah ouais, non, mais en plus, après, exorciser le truc et tout, hein. Oui, bah oui, j'imagine. Il y a des fantômes, enfin, moi, je sais que ma soeur, elle voit des trucs dans les couloirs et tout qui passent, enfin, elle entend des voix et tout, des craquements. Mmh. Mais tu sais qu'il y a un hôpital sympa, enfin, ça s'appelle Sainte-Anne, il faut pas vous conseiller. Non, mais tu peux devenir fou en plus, hein, quand ça passe. Ah ouais, non, mais vraiment. Tu pètes un câble. Surtout si personne te croit, tu vois, etc. Un peu à la Fringe, là, je sais pas si vous avez regardé la série, là, sur TF1. Ouais. Un peu le même esprit, tu vois, où tu vois aussi des trucs un peu bizarres, un peu paranormaux, là. C'est clair. Et toi, Séverine, là, qui nous appelait pas pour ça, qui appelait pour les voisins, à la base, là, t'as déjà eu l'occasion de rencontrer des fantômes? Moi, j'ai eu des trucs un peu space aussi dans ma vie, dans ma jeunesse. Genre? Genre, en fait, j'étais obligée de faire venir une personne, parce qu'a priori, j'avais un mauvais esprit et un bon esprit. Un esprit gentil et un esprit méchant. Ah, sympa. Donc, ça. Donc, j'avais des choses étranges qui se passaient chez moi. Donc j'y crois un peu. Et j'ai été, t'as fait une séance pour enlever les esprits? Voilà, il est venu faire des prières, il a mis de l'ail, du sel, un peu partout dans toutes les pièces. Il a fait une salade, quoi. Ouais, il a fait ça. Et après, il ne s'est plus rien passé. C'était le calme, plus rien d'étrange se passait dans la maison, en fait. Ah bah comme quoi, il faut faire souvent des salades. Ouais. Mais ça se trouve, c'était psychologique, Séverine, parce que tu sais que quelqu'un est venu pour t'en débarrasser, du coup, ça n'existe plus dans ta tête. Je dis pas que tu mens, hein, je dis juste que peut-être que c'est psychologique. Non, mais il y avait des phénomènes quand même qui se passaient bizarres, quoi, donc... D'accord. Genre quoi, trucs... le truc le plus chelou, hein? Par exemple, ma mère était dans une pièce et à un moment donné, elle a entendu un boom et quand elle est retournée dans la pièce, il y avait un gros trou dans la porte. Donc aucune raison qu'il y ait un trou, personne dans la pièce. C'est le chat, il avait la dalle en fait, il est passé par la porte pour aller bouffer, il a pas trouvé la chatière. Et sinon, on étendait du linge. Enfin, en fait, ça se passait que dans une pièce. On avait une maison à deux étages. Et c'était le deuxième, a priori, qui était habité, quoi. Ah ouais. Par l'esprit mauvais. Ah. Et donc, on étendait du linge dans cette pièce. Et ma mère étendait du linge blanc. Et quand elle remontait pour le détendre, le blanc était devenu gris, en fait. Donc, t'as pas pris la bonne poudre. C'est vrai, ouais. Plus jamais tu nous rappelles, merci. Hein. Ouais. Ok. Désolée du dérangement. Alors. Non, c'est forcé, donc j'y crois un petit peu, puisque j'ai vu des trucs bizarres. Ouais, quand tu vois de toi-même, forcément. Ouais, c'est différent, ouais. Tiens, il y a un message de Déborah qui dit je kiffe vous écouter, vos histoires me font trop rire. Je vous kiffe grave toute la bande. Mais merci, Déborah. Il y a Chris aussi qui dit en fait, il lui a fait le projet Blair Witch, je crois. Il y a Chris qui dit. Au pire, jeter un seau d'eau sur le fantôme. S'il est mouillé et qu'il t'insulte, c'est que c'est pas un fantôme. Voilà. Et s'il s'en fout, bah planquez-vous. Oui, c'est une. Je pense que c'est bien résumé, effectivement. Il vaut mieux se planquer, c'est clair. Les Ghostbusters. Exactement, ouais. Oh, les Ghostbusters. Bah, merci, ouais, Séverine. Voilà. Séverine et Anastasia, là, merci pour les petites histoires. Et puis, vous revenez quand vous voulez, hein. De rien. Une dédicace vite fait, s'il Allez, vous plaît. Vas-y, à une personne, Anastasia. Hein. mon copain Adrien. D'accord. Qui est à côté de moi là, et qui est tout mignon et voilà. Oh, qui est tout mignon, oh, c'est beau, c'est magnifique. Oh là là, Anastasia. Bon, gros bisous les filles. Faire une dédicace aussi. Ah bah une personne aussi, hein, Séverine, vas-y. Ah bah ma voisine, la grosse relou, qui me fait chier. Très bien. On l'embrasse. Si elle pouvait arrêter de chanter. J'imagine, on l'embrasse, y a pas de problème. Salut, non, Séverine. On l'embrasse pas, non, on lui casse les dents plutôt. On l'emmerde alors, voilà, c'est ça. Voilà, on l'emmerde. Parfait. Bon bah Séverine et Anastasia, allez. Merci les filles de passer. N'oubliez pas de prévenir vos potes. Et vos connaissances là qu'on est là 20h-23h sur Fun Radio là. Y'a pas de soucis, gros bisous à tout le monde. Allez, gros bisous, ciao les filles. Allez, Mickaël No Limit sur Fun Radio la suite là. Avec on est un peu à la bourre, on devait j'avais dit qu'on faisait ça à 10 et il est 30. On fait l'appel dans un instant avec Maxence là pour aller direction Ibiza, le temps d'écouter un petit peu de son là, c'est Hardwell maintenant que je vous cale. Hardwell avec Apollo, on aura Doxos aussi tout à l'heure, ce sera avant 22h sur Fun Radio, la bonne soirée tout le monde. Bonne soirée avec Fun Radio, avec Hardwell à l'instant, c'était Apollo, Mickaël, No Limit, c'est 20h-23h pendant tout l'été, on est ensemble, on passe l'été avec vous sur Fun Radio, et puis bah vous aussi d'ailleurs, hein, venez parler avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus pour participer, il y a notamment le Facebook et Mickaël officiel évidemment, il y a le Twitter qui fonctionne également aussi, et puis vous êtes nombreux à participer aussi au nouveau jeu La Rupture là qu'on va faire dans un instant, on avait fait un exemple avec Toff, vous êtes nombreux, on vous passera pas tous ce soir évidemment, mais rassurez-vous, on fera le jeu plusieurs fois là, La Rupture c'est simple, hein, le principe est simple, donc on a appelle quelqu'un au hasard, n'importe qui, on sait pas. Et donc le but c'est d'arriver à battre leur corps de teuf, donc faire plus de 50 secondes de discussion avec la personne en faisant une rupture. Donc sachant que vous connaissez pas la personne évidemment, faut faire une rupture et plus c'est long, plus c'est triste évidemment, plus on rigole. Bon. Exactement. Et donc du coup vous repartirez avec des cadeaux si vous êtes doué. Voilà, il y a Jérémy qui dit Mickaël, tu tentes la rupture, c'est énorme ce truc. Ouais, t'inquiète, je tenterai ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a aussi, il y a Adrien qui dit soutien au pote de Bertrand là. Ah oui, celui qui est perdu dans un bois là, on l'a eu tout à l'heure. Il y a aussi un message par rapport au voisin encore là. Mon voisin passe la tondeuse et le motoculteur tous les dimanches juste de à 8h jusqu'à 11h dans tout son jardin. Ah putain, ça c'est une galère aussi ça. Et alors il y a qui aussi qui dit Mickaël avec ses histoires de fantômes. Les fantômes vont venir hanter les locaux de Fun Radio. Mais non, t'inquiète pas là. Faut déjà qu'ils arrivent à rentrer parce que c'est compliqué, c'est un labyrinthe Fun, hein. C'est-à-dire que tu passes d'un étage à l'autre, t'es toujours au même étage et pourtant t'es monté d'un étage. Comment ça se fait? On ne sait toujours pas ici. Bon, on a Maxence là, un retour c'est de l'énigme. Max. La colle. C'est la colle, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Maxence. T'es toujours là, Maxence? Oui. Ah très bien. Ah toujours avec une patate d'enfer. Ouais, ça fait le plaisir de vivre et tout ça. C'est ouais, ouais, toujours. Bon Maxence. Oui. Bon, on va y aller là maintenant. Tu avais la colle. Là, on va appeler un gagnant, une gagnante. On va voir. Et si la personne qu'on appelle maintenant a la bonne réponse, elle repartira avec la caméra numérique et peut-être avec le tirage au sort jeudi là pour aller à Ibiza. C'est parti. On y va. On appelle. Non. Toujours là, Max. Hein. Oui. La patate. Ouais. Ah bah dis donc. Faut pas demander quand tu as mal. On y va. Allez, allez, hop, on appelle, faut que ça décroche maintenant. Allô. Allô. Allô, bonjour, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ah, super. Ouais, c'est la folie, dis, écoute, comment tu t'appelles? Marie. Marie, très bien, oui. Alors Marie, bon, il y a Maxence qui avait une colle pour toi Marie, là, vas-y, fais péter Max. Qu'est-ce qui a trois bosses? Qu'est-ce qui a trois bosses? J'avais donné un indice, là, c'est animal et van. Marie? Oui, moi je suis là, oui, oui. Bah il faut répondre à la question, ah, à la question de Maxence là. Oui, oui, ah bah oui, si tu veux gagner, mais après tu peux ne pas répondre. Parce que si je réponds moi et que j'ai la bonne réponse, c'est moi qui gagne. Entendu, hein. Mais si c'est un chameau qui s'est cogné. Alors Max? Mais je l'ai pas entendu en fait. C'est un chameau qui s'est cogné. Oui. Eh bah voilà. Ah, bah, bravo. C'est Et eh ben voilà, bravo Marie, bravo Marie, tu repars avec la caméra numérique comme promis. Et puis jeudi, peut-être le tirage au sort là qui fera de toi l'heureuse gagnante du trip à Ibiza et les deux tickets bien sûr pour la Fuck Me I'm Famous, bien entendu. J'espère trop, oui. Bah écoute, j'espère pour toi Marie, j'espère pour toi. Je te fais des gros bisous en tout cas Marie. Moi aussi, gros bisous. Salut, à bientôt. Salut, Marie. Michael, et Max, malheureusement, bah c'est perdu là. Hein. Ah c'est un échec cuisant là, je peux rien faire pour toi là Max. Ouais. Bah tu retournes ta chance quand tu veux Max, d'accord? Non. Bon, salut Max. Allez, à bientôt. Du début à la fin, il aura une patate de triste en fait. Hein. Bon, Steven qui dit ma voisine gueule jour et nuit en portugais, elle a Alzheimer et croit que son mari ramène des maîtresses pour casser sa maison. Ah ouais, ça par contre, ça va être dur. Hein. Ah, pour le coup, non, vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah, la pub du soutif, je m'attendais à tout sauf à ça, c'est Juju. Bah allez voir la pub du soutif, là, je vous l'ai mise. C'est une pub thaïlandaise, là, sur le Facebook. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Venez sur la page de l'émission, là, de plus en plus nombreux. Et on vous attend, donc Facebook.com/MIKAELOfficiel. Je vous ai mis une pub vidéo qui dure à peu près une minute, une pub thaïlandaise. En fait, la pub, c'est pour un soutien-gorge. Sauf que, effectivement, ça part dans tous les sens, en fait. Donc, allez voir, donnez vos avis surtout. Et on lira ça tout à l'heure en direct à l'antenne sans problème. Alors, on accueille maintenant. Bah, on va prendre qui maintenant? Ah oui, c'est Mathéo qui est avec nous là. Salut Mathéo. Salut toute l'équipe. Comment ça va, Matt? Super. Alors, t'as quel âge toi? 25, 30 ans? Non, 12. Oh merde! Ah, je savais pas. Ah bah non mais j'écoute tout le temps, hein. J'ai bien remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui appellent. Oh c'est faux ça Max. Matt, pardon. Il a plein, c'est juste qu'ils sont déjà muets, c'est tout. Ouais. Bah ouais, mais ça va venir, hein, t'inquiète hein. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Mathéo, t'appelles pourquoi? Parce que moi en fait j'ai un problème avec les meufs, c'est qu'en 12 ans, ouais. J'en ai eu que deux. Ah en 12 ans t'en as eu que deux, mais rappelle-moi ton âge. 12 ans. D'accord, ok, ouais. Hey. Non mais attends, Mathéo, tu sais que c'est vachement bien déjà deux meufs à 12 piges, hein. Mais juste les meufs que t'as eues, t'as fait quoi avec? Pas grand chose, hein. Non non mais on peut pas passer genre sexuel, bisous, hein. Est-ce que t'es allé plus loin que la joue? C'est ça que je voulais non, savoir. Non, est-ce que t'es allé plus loin que Facebook déjà? Ouais. Parce que maintenant ça commence par Facebook, hein. C'est vrai, ouais. Donc alors, est-ce que t'as déjà eu quand même une petite relation, genre un petit bisou, tout ça? Bah Avec une. Ouais, ok, d'accord. Mais genre bisous sur la joue, bisous sur la bouche, quand même mis la langue ou pas? Non. Non, la langue 12 ans, mec. Ouais, franchement. Attends, ouais. Mais attends, mais il regarde ça à la télé. Ah, attends, il faut arrêter. Non, mais il faut arrêter de croire que les mecs ils voient ça à la télé, ils vont essayer pareil. Même moi, quand j'avais 12 ans, je croyais qu'il fallait juste laisser couler la bave, mais il se passait rien à l'intérieur. Bah, à 12 ans, t'es en quelle classe hein? Bah, je rentre en 5ème. Ah, t'es au collège? Ah oui, t'es en 6ème. Ouais, ah oui, t'as déjà fait un bisou en 6ème, non? C'est beaucoup plus de choses que vous n'imaginez. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Je pense. Bon, bien sûr. Et Mathéo, donc t'as eu que deux meufs, et donc du coup, ça te pose un problème? Bah, parce qu'en fait, enfin, au début, je m'en préoccupais pas trop, et puis en fait, il y a un pote à moi qui m'a dit que bah, tu avais l'air con sans meuf. Écoute jamais tes potes. Ouais, c'est clair. Ça, jamais. Voilà. Et donc, par exemple, il y a quelques jours, j'ai eu une meuf et lui, il a tout gâché à cause de... Enfin, à cause de lui, tout est gâché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, en fait, c'était ma meilleure amie. Ouais. Et donc, enfin, au début, je l'aimais, donc je lui ai dit. Et elle m'a donné une chance et on est allé à la piscine et puis lui, il était là. Ouais. Et il a dit, oh, vas-y, embrasse Mathéo et tout et tout. Et comme elle n'était pas prête, elle a dit que c'était faux. Ouais. Mm-hmm. Elle a dit que c'était pas vrai. Qu'est-ce qui était pas vrai? Qu'elle était amoureuse de toi? Ouais, qu'elle m'aimait. Ah, elle a dit non, mais je l'aime pas. Et à toi, elle t'avait dit qu'elle était amoureuse de toi ou pas? Bah oui. Ah oui, mais c'est parce qu'elle voulait pas que ton pote s'en mêle, hein. Ouais. Mais il faut que tu la rappelles, mais que tous les deux. Faut pas qu'il y ait ton pote avec vous. Ouais, il faut que tu la rappelles. Tu veux qu'on l'appelle? Oh bah non, enfin bah là, bah, je sors plus avec et puis je l'aime plus. Ah ouais. Tu l'aimes plus? Ouais bah c'est une bonne raison, hein, c'est pour ça qu'on va pas l'appeler, alors t'as raison. En fait t'étais pas du tout amoureux d'elle, c'est juste parce que ton pote il t'a chauffé un peu en disant voilà. Que t'avais l'air con. Et tu voulais te la ramener un peu. Tu t'es dit bon bah je vais me prendre une nana, t'as pris la meilleure amie et au final tu t'en fous de sa vie. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, non. Non, si, je crois qu'on l'a bien résumé, Mathéo. Il y a Juju qui dit, Mathéo, t'as le temps, là, 2 à 12 ans, tout va bien. Bah, je suis assez d'accord, hein. T'es tranquille. Et t'as une autre fille en vue ou pas? Hein? T'as une autre fille en vue? Non, pas trop. Bah, il y a qui aussi qui dit, à 12 ans, c'est déjà pas mal, certains n'en ont jamais eu, comme Toff. Bah oui, mais même moi, hein. C'est-à-dire qu'à 12 ans, j'avais pas une copine. La première, je l'ai eu à 16 ans. Encore une de mes ex. Attends, te la ramène pas, Mathéo, t'as eu deux meufs. Alors, arrête de dire une de mes ex. 12 piges. Hein? Oui, c'est mon ex, elle me harcèle. Non, vas-y, Mathéo, on rigole. Mathéo? Ah, c'est ta maman qui t'a encore grillé. Ah, voilà. Bah, il m'a fait le même coup hier. Qu'est-ce qui se passe, maman? Sa fait mère, le malin, mais quand il y a Daron, il sauve. Hein. C'est clair. Il y a Blondine aussi sur le Twitter qui dit Mickaël, le gamin fait trop rire, 12 ans, il que deux meufs, c'est un drame. Bah ouais, c'est une catastrophe, bah ouais, le pauvre. Qu'est-ce qui va devenir, le malheureux, là? C'est vrai, quand même. Bon, allez, dans un instant, on va parler avec Alex, la Lilloise, qui est avec nous, là. Toujours là, Alex? Allô? Allô, Alex, t'es toujours là, la Lilloise? Oui, je suis toujours là. C'est parfait. Alors, on va parler de jalousie dans un instant avec toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, très bien. Mais coupe ta radio, Alex, comme ça tu répondras plus vite. Non, je suis dehors, j'ai pas de radio. Ah, t'as pas de radio, d'accord, non, ok, bah, très bien. Bon, Duxos, dans un instant, ça te chauffe? Alex? Oui? Tu Duxos, tu connais? Ouais. Ouais, ça va, on va mettre ça dans un instant, ça te branche? Bah non, j'aime pas trop. Préfère Calvin Harris. Calvin Harris, bah on va, ça tombe bien, on va le mettre dans un instant, Calvin Harris là aussi. Bouge pas de là, Alex. Merci. D'accord. Allez, le bout. Ouais, Alex, qui est-ce que tu peux me repasser Sandro? Oui, je te repasse Sandro dans un instant, Alex. Ne bouge pas de là, on va te la repasser tout de suite. Bon, bah du coup, parce qu'on avait demandé aussi sur le Twitter, le son de Duxos, là, on va faire plaisir à tout le monde, Duxos. Et puis on mettra Calvin Harris juste après pour Alex, la Lilloise. Voilà, ne bougez pas de là, Calvin Harris, ce sera ça dans un instant. Ça ne marche pas. Voilà, comme ça on fera plaisir à tout le monde. Allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limite. On est là jusqu'à 23h et bah pendant tout l'été, 20h-23h. Alors prévenez tous vos potes, on est là. Et prévenez vos potes également, là qu'il y a le Facebook et le Twitter qui fonctionnent pour venir nous rejoindre ou taper Mickaël officiel. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. 20h-23h. Mickaël, No Limit sur Fun Radio. Ouais, et on est là sur Fun Radio, là, vous balancez tous vos messages, bien évidemment, en direct, où que vous soyez en France, 01-42-48-5000, on est là tout l'été, là, profitez-en bien, Mickaël No Limit, ça marche aussi, évidemment, sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel, et puis des messages aussi qui sont arrivés, il y a un message de Givanta qui dit, salut toute l'équipe de Fun Radio, je suis à l'île de la Réunion, là, je vous écoute tous les soirs, et franchement, vous êtes au top des tops, toute l'île vous souhaite une bonne soirée, et continuez comme ça, bah, c'est gentil, Givanta, là, c'est bien, il y a du monde qui écoute. de l'île de la Réunion là. Ça fait plaisir. Faudra qu'on passe là-bas aussi pour vous dire bonjour, évidemment. Hein, normal. Ah, pour évidemment, aller allons-y. Direction l'île de la Réunion là, ça tombe sous le sens. Retour avec Alex dans un instant, la Lilloise avec son mec jaloux. Et puis on va faire aussi le jeu de la rupture dans quelques instants. Si vous pensez pouvoir battre Toff qui a fait 50 secondes là, vous appelez maintenant Sandro 01 42 48 5000. Vous y allez, il n'y a pas de problème. Et puis côté son là, Will.i.am qui va débarquer dans un instant. Il y a Alex là de Lille qui avait demandé le son de Calvin Harris. Et puis je vous l'avais promis aussi, eh ben, on va se faire le son de Duxos maintenant sur Fun Radio avec It's You sur Fun. Bonne soirée tout le monde. Fun Radio avec Duxos à l'instant, c'est It's You sur Fun. Prenez le contrôle 02 851 4x0. Ouais, et restez sur Fun Radio puisque tout à l'heure je vous calerai le son de Calvin Harris avec I Need Your Love. Voilà, ça fait plaisir comme ça Alex. Ouais, c'est clair. On l'aura le Calvin Harris là, tu l'avais demandé, t'as vu? Ouais, c'est gentil. Ah bah, avec plaisir, Alex. Tu vois, il n'y a pas de problème, Alex. Sans souci. Bon, Alex, c'est qui écrit derrière, là? C'est qui écrit derrière? C'est ma copine. Et qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas compris. Vive le Nord! Bon. Il y a un message qui est arrivé de Chris qui dit It's you, hey you, Duxos, je danse dans mon lit, triste à voir. Oui, bon, on va pas voir, surtout Chris, hein. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà, mets un peu d'ordre. Ah, voilà. Le coup de pression que tu lui as mis. Effectivement. Hein. Bon, Alex. Vas-y, Borka. Qu'est-ce qui t'amène, Alex? C'est pour parler un peu de mon homme qui est trop jaloux. Alors, qu'est-ce que t'es, c'est-à-dire? Je peux rien faire. Il me surveille, il me fait suivre. En fait, il se croit trop dans mes nids de black, lui. Ah, il te fait suivre carrément. Il se croit trop. Ah ouais, ouais. Oh putain, mais tu sais que avant même que tu rentres dans le détail, là, je pense qu'on peut faire un petit chéri, je peux te faire cocu à l'occasion. Hein. Ah mais là, mais ouais, j'aimerais bien, mais il va péter un câble. Hein. Ouais, mais c'est ça, justement, ça le but, justement, c'est qu'on l'appelle. Mais ah ouais, non, mais... on va essayer de gérer ça, Alex, ça peut être drôle, effectivement. Bon, ah bref. Ouais, ouais, mais en plus, j'y avais pensé. Ah bah tu vois, et en plus, il y a un cadeau à la clé, tu vois, au moins comme ça, t'es débarrassé de ton mec et tu repars avec un cadeau en même temps, t'imagines un peu? La grande classe. Bon, ouais. Sinon, qu'est-ce que t'as comme exemple là? Tu dis qu'il te prend la tête et tout ça, mais c'est-à-dire? Bah, à la limite, il envoie ses cousins à mon taf pour voir si je parle pas à des clients masculins. Bah, comment ça? Tu parles qu'à des filles alors? Tu fais quoi comme boulot? Je suis vendeuse. Bah oui, mais si un mec qui arrive, tu dis... Excusez-moi, je ne peux pas vous parler. Oui, voilà, c'est ça. Mais il est pas bien ton mec, quel âge il a? Ah non, mais il a 20 ans. Et 20 ans, toi t'en as 20 aussi d'ailleurs, ok? 20 aussi, ouais. Ok, et alors tu fais comment du coup? Ta patronne ou ton patron, il dit rien? Bah non, parce que en fait, le mec il vient dans le magasin, il fait son petit tour, après il va faire son petit rapport, voilà quoi. Mais si t'as le malheur d'avoir un client qui vient de rentrer pour acheter un truc, tu fais comment? Bah moi je m'en tape, je le sers quand même, c'est mon taf. Ah d'accord, lui, ok. Personnellement, j'en ai rien à foutre quoi. Et du coup ça se passe comment à la maison après quand il apprend ça? Ah mais c'est le drame. Oh là là, mais genre, il fait quoi? Il dit quoi? Ah mais il pète un câble, ouais, pourquoi tu parles à des gars et tout, mais il comprend pas que c'est mon boulot. Non mais il a un problème surtout dans sa tête, hein, ton mec, hein. Ah mais je sais pas, il y a pas que dans la tête qu'il y a un problème. Mais pourquoi tu le vires pas alors? Bah parce que je l'aime quand même, c'est... Enfin voilà quoi. Parce qu'il est beau gosse. C'est parce que... Et que je me la raconte quand on se promène. Non. Hein? Je dis parce qu'il est beau gosse et que tu te la racontes quand tu te promènes à son bras. Ouais, bah non, bah il y a plus beau quoi. Ah en plus, donc c'est-à-dire qu'il est jaloux, il est chiant et il est pas beau, alors je comprends pas là. C'est pire que chiant, il est casse-couille. En plus, tu vois, c'est pas l'eau qui l'a vendu, hein. Bon, Alex, et là, il va pas criser, là? Tu parles à trois mecs en même temps, là, Polo, Toff, moi. Bon, il y a Sandro, mais bon, c'est une fille, donc ça va. Et mais non, gosses. Mais figure-toi que quand j'ai mis une photo de toi sur Twitter, bah, il m'a fait un caca nerveux, c'est... Mais tu as bien fait de mettre une photo de moi sur Twitter. Mais, genre quoi, il était jaloux? Qu'est-ce que c'est que ce bordel derrière là? Bah non, c'est mental! Et ferme ta gueule! Ouais, t'as bien raison. Remonte qui est la patronne, Alex. Ah, mais c'est moi la patronne. Bah ouais, je vois ça justement, tiens. Remets les choses au clair. Bon, et donc du coup, et ça montre d'ailleurs justement, tiens, pour tous ceux qui pensent que la jalousie, c'est une belle preuve d'amour, blablabla. Bla, ah, bah bla. La belle preuve d'amour, il peut se la mettre au cul alors. Non, mais c'est vrai, c'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de connerie. J'ai toujours dit ça, mais moi, il y a un truc, c'est un truc qui peut me rendre ouf. Si je suis avec une meuf qui est jalouse, ça me prend la tête. Moi, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas. Après, ça dépend le degré, mais il y en a, c'est maladif. Là, c'est maladif. Bah, ah ouais. Moi, je suis jalouse, mais voilà quoi. Il va me dire, je vais sortir. Moi, vas-y, sors, éclate-toi. Moi, je vais sortir. Bah, limite, il va me mettre une puce électronique pour savoir où je suis. Ah, genre, ouais, t'as un iPhone? Ouais. Ah ouais, mais je prends pas mon iPhone déjà, il va non, non, non, mais je suis sûr qu'il a gardé le truc quand on appelle ça, c'est pour localiser l'iPhone là, tu sais, il doit mettre ton login et ton mot de passe et hop, il peut voir où t'es. Ah ouais, mais non, bah non, bah si il fait ça, mais c'est même pas la peine, je le prends. Mais en même temps, tu peux pas le savoir. Il fouille dans ton téléphone, tu le sais pas. Hein. Ah ouais, tu sais pas, hein, ça se trouve, il a effectivement activé le truc. C'est pour ça que maintenant j'ai mis un code, mais il le trouve tout le temps. Bah ouais, mais enfin bon, comment ça il le trouve? Tu me diras, il y a que. Bah non, t'as qu'à mettre. Tu peux mettre un code avec des lettres et des chiffres, hein, comme ça, oui. Il va galérer. Après, si tu mets ta date de naissance, ton prénom, le nom de ta mère, ouais, bah c'est forcément. Mais il est conscient que. Mais il est con. Voilà, je pense que là. Ouais, il est content qu'il est con, hein, mais. Non, mais qu'il est. C'est grave. Ouais. C'est dingue. Il y a Rémi aussi qui. Enfin, c'est Rem qui dit salut toute l'équipe des barres de rire avec vous. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Dédicace à mon neveu, il s'appelle Maël. Bah voilà, le message est passé. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ça doit être une galère dans la famille. Enfin, dans la famille, plutôt chez toi. C'est vrai qu'à mon avis, ça va être tendu quand même. Il veut que tu parles qu'à des neufs, ça. Mais tu dois être sous pression constamment en plus. Bah heureusement que j'habite pas avec parce qu'il m'a dit viens habiter chez moi mais j'ai dit oh là là surtout pas ça c'est la pire truc c'est le pire truc que tu pourrais faire ça. Dis-lui sur lui ai dit donc pour carré de me faire chier et je sais qu'il a horreur des serpents bah j'ai dit tu veux moi bah tu prends mes deux serpents avec et là bah dis tu as des serpents. Oui, j'ai deux pitons. C'est cela, des animaux sans défense. Oui, c'est ça. J'ai vu hier soir là, j'ai vu Brady Bar là sur RMC Découverte. C'est-à-dire que le mec il se fait mordre par le plus grand un piton géant. Il a un truc, il doit se faire opérer tout le bordel. 6 semaines après, il est nouveau sur ses deux pieds et il retourne pour aller retrouver le serpent pour l'analyser. Et il espérait retomber sur le même. Il est fou ce mec. C'est un mec qui est complètement ouf. Il va analyser des crocodiles, des serpents, les animaux les plus dangereux du monde. Et il est content. Voilà, c'est ça. Et donc toi, il faut combien quelle taille les serpents, toi, les pitons, Alex? Moi, comme je leur donne pas à manger toutes les semaines, ils font 1 mètre, 1 mètre 20, pas plus. Ah, tu leur donnes pas à manger toutes les semaines, oui. Je donne une fois par mois parce que sinon après ils vont devenir big. J'ai pas envie qu'ils deviennent comme mon boa que j'avais avant. Ah, t'avais un boa, oui, mais c'est cela. Ils tiennent 1 mètre 93. Au moins sans bouffer, ils ont pas la dalle. Non, si, t'inquiète. Bah non, parce qu'un serpent, les miens, ils peuvent rester 1 an sans manger. Un an? Oh putain. Je peux te dire qu'après, si après 9 mois, faut pas laisser traîner n'importe quoi parce qu'ils bouffent. Hein. Non, mais tu sais, t'as entendu cette histoire, ça date d'il y a quelques années, hein, mais en fait, c'était une meuf qui avait aussi un serpent, je sais plus lequel, et en fait, elle dormait avec. Et donc un jour elle a été chez le vétérinaire. Là elle dormait avec et donc en fait elle a été voir chez le vétérinaire en disant c'est normal, il est super affectueux et tout et en fait le vétérinaire lui a dit non mais il est pas affectueux en fait, il est juste en train de se coller à vous pour voir à partir de quand il va pouvoir vous bouffer en fait parce que tant qu'il est trop petit, il peut pas vous bouffer. Voilà. Mais dès qu'il sera plus grand, il va pouvoir vous bouffer. Donc il attend. Il comparait sa taille à lui, se mettait en long à côté de son corps. Voilà. Pour mesurer si elle était mangeable, si ça allait passer dans son. Exactement, ouais. Si elle était assez petite pour rentrer, quoi, dans tout son corps, quoi. C'est un truc de ouf. Et l'autre, elle dit mais il est mignon, regarde, il est là, minou. C'est clair, ouais. À la base, un serpent, quand on sort du terrarium, il est à l'extérieur, il est en terrain inconnu, mais après, si la meuf, elle le laisse tout le temps, il va prendre la confiance. Ah ouais, bah c'est ça, il va prendre la confiance, évidemment. Bon, enfin, sinon, on parlait pas de ça à la base. Hein. On en parlera à l'occasion si vous avez des animaux bizarres à la maison. Hein. On te rappellera d'ailleurs pour la peine, Alex, cela dit. Ouais, bon, écoute, reste avec nous. On va demander s'il y en a d'autres qui ont des problèmes avec la jalousie. Mais ils étaient en train d'écouter le serpent, là. C'est-à-dire qu'ils étaient. C'est pas possible, un serpent. Il y a Mylène qui dit la jalousie, ça casse le couple plus qu'autre chose. C'est un manque de confiance envers l'autre, je suis assez d'accord. Ah, le pauvre, son mec et ses amis, c'est Alex qui avait envoyé le message. Il y a Cédric qui dit elle a pas l'air de beaucoup l'aimer au final son mec. Ouais, c'est vrai, hein. Bah si, je l'aime, mais la jalousie ça casse le couple et il me casse les couilles aussi en même temps. C'est bien résumé, ouais. Bon, reste avec nous. Si vous aussi vous êtes déjà sorti avec un mec jaloux, pas jaloux, comment ça s'est passé? Eh ben vous appelez directement le standard maintenant là, 01 42 48 5000, les filles, les mecs, on vous attend. Et pour la Belgique, 02 851 4x0, je compte sur vous. En attendant, il y a David qui est avec nous. Salut David. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, eh ben sois le bienvenu, David. Bon, alors ouais. David, t'appelles de Sarcelles, toi, et toi, tu penses que tu vas faire mieux que Toff au jeu de la rupture? Je demande à voir. Je demande à voir également. Donc le principe est très simple. On va appeler quelqu'un au hasard et tu dois faire une scène de rupture la plus longue possible, la plus triste comme tu veux. Plus c'est drôle et plus c'est long, évidemment, mieux c'est. Et comme on va pas appeler 100 fois, donc t'as deux chances. Et bien évidemment, ce sont c'est vous qui allez, enfin les auditeurs donc qui vont départager, hein, qui vont trouver trouver si c'est drôle, pas drôle. En cas d'égalité, bien entendu, des fois que tu fasses 50 secondes également. D'accord ? D'accord. Et respect et tout, hein. T'es gentil. Ah ouais, ouais, ouais, t'insultes pas. Enfin, vraiment, tu. Voilà, t'es rupture, quoi. Voilà, d'accord ? Ouais. Bon. D'accord. Il faut que je trouve une musique de rupture. Attends. Bah mets-nous les Carmina Burana là, les trucs ah bah oui, de, oh les là péplums, là. Les bah feux ouais. de l'amour. Les feux de l'amour, pourquoi c'est pas. Pas mal. Ah sinon j'avais ça. Ah non. Attends, non, non, attends, sinon j'avais bah, toujours ça, hein. Ouais. Bien ça aussi. Non. Ouais. Non, ouais. Bon, t'as, oh là là, bon alors sinon bah, je peux mettre ça. Non, ça c'est un peu violent. Non. Ah voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait un peu décès. Ouais, c'est ça, ouais. Il nous a quittés. Alors... Sinon j'ai la pub AGF. C'est pas mal, tu peux alterner. Je peux alterner, ouais, effectivement. Mal, ouais. Bon, on va voir un petit peu de piano ouais, aussi. Bon, je verrai. J'ai des trucs en stock, on va voir ce que je peux mettre. Bon, David, on y va. On appelle bah, le premier maintenant ou la première. Je sais pas du tout si on tombe sur un garçon. Si on tombe sur une fille, j'en ai pas la moindre idée. Donc, à toi de gérer, d'accord. Il faut faire mieux que 50 secondes. Ok, comment il s'appelle? Ben, je sais pas, on appelle au hasard. Je sais pas du tout sur qui on va tomber, je n'en sais rien de rien. Et d'accord, sois bon, hein. Sois bon, ah, je compte sur toi. Hein. On y va, t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti, on y va, on appelle, bonne chance. J'ai peur pour toi. Ah, ben super. Non, mais ça marche pas chez vous aussi. Hein. Ah, quoi, on a plus de téléphone? Bah non. Ah, bah c'est pratique ça, tiens. Je me dis, c'est bien. Bah si, parce qu'on a David. Ah, bah non, ça marche pas. Non, je l'avais mis avant que ça pète, je crois. Attends. Ah, mais il y a un truc qui a pété là. Attends, bah, je ouais. compose le numéro à la main pour être sûr. Ah, attendez, je fais ça en live là. Voilà, tac. Attends, j'essaye avec un truc. Quoi, on a pas de téléphone? Attends, j'essaye. Attends, ah, là, ça marche. Là. Dans le standard, ça marche. Alors, vas-y, David. Non, ça non. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Oui, ça va? Ah oui, qui est-ce? David. Ah, tu sais pas c'est qui? Pardon? Ouais, tu sais pas c'est qui? Non. Ouais, ben je t'appelle parce que je veux faire la rupture avec toi. Je crois que t'appelles pas la bonne personne en fait. Ah ben si, mais vraiment, je veux faire vraiment la rupture, tu vas trop blesser. Oh, attends, c'est mieux. Ouais, mais je crois que c'est vraiment pas moi que tu voulais appeler en fait. Oui. oh là là, tu m'as trop blessé, vraiment. 40 secondes là. Oh là là. Vas-y, raccroche. Vraiment, tu peux partir, je m'en fous. Tes balises, je te les fais direct. Je m'en fous, ils sont devant la porte. Je ne reviens même plus à la maison. Allô? Il est toujours là? Allô? Allô, il y a un danger, ça y est, attention. Eh ouais, 54 allô secondes là, bravo. Oh, bravo. 54 secondes. Eh, t'as été bon, trop fort. Eh, pas mal, David. Hein. C'est bien. Ah, tu déchires. Ouais. Bah, t'as fait 4 secondes de mieux que Toff là, c'est pas mal. 54 secondes ouais. À David. Pour l'instant, c'est toi le champion. Bravo! Bravo champion là, d'accord, je suis pas ouais, c'est ça. Ouais. Soit fair play. Voilà, allez, bon, c'était pas mal. Si vous voulez battre le nouveau champion qui est David, hein, qui est ici présent avec nous, eh ben n'hésitez pas à vous appeler. Ah ben non, on appelle plus là, ça marche plus. Donc oui, parce qu'en fait on peut appeler mais on ne peut plus recevoir d'appel, ce qui est vachement pratique. Vous envoyez votre mail. Bah, envoyez-moi un mail, voilà. Ah ben non, on peut pas non plus. Parce pourquoi que si, parce qu'on n'a plus internet non plus, donc. Ah, c'est pas internet. Bah, ça marche et ça marche plus, donc c'est oh un peu là particulier. Là, ce soir, j'ai rien à faire. Ouais, bon, on va être à la cool, vous inquiétez pas. Bon, on va s'arranger. Bah, faites-moi un mail, même si je le reçois plus tard, non, on fera demain. mikael@funradio.fr, là. Pour tenter de battre David. Et puis, on va essayer aussi de te battre, David. On va mettre Polo, on va mettre moi, je vais essayer aussi, hein, pas croire. David? Oh, ok, mais j'espère que pas. J'espère que pas. Bah, 54 secondes, c'est le record à battre, David, hein. D'accord. Bon, mais c'est bien, t'as éclaté Toff quand même, David. Ah ouais, bravo, du premier coup là. Ouais, c'est trop bien. Et, attention, trop bien, et pourtant, quand t'as démarré, franchement, j'aurais pas misé un centime dessus. Hein. Une demi-cacahuète. Ah ouais, j'aurais pas misé. Mais bon, écoute, c'est bien. Bravo à toi en tout cas. Eh ben, tu restes avec nous, David, d'accord? Alors ne raccroche pas, d'accord, parce que je sais pas si on pourra te rappeler. Ouais, c'est ça. Surtout, non, ne reste pas. Là. Surtout ne raccroche pas, effectivement. Ah, ça y est, internet remarche. Donc si vous voulez participer, si vous voulez parler de la jalousie, on vous appellera en direct, hein, c'est pas grave. Vous envoyez votre mail maintenant, M-I-K-L. Sur des choses, je te dis pas. Hein. Eh ben, on verra. mikl@funradio.fr. Il y a Chris qui dit mort de rire, mais il est bon en plus. Ben ouais, Mylène aussi qui dit excellent son jeu théâtral. Ben en plus, il qu'il a fait l'acteur studio là, c'est pas mal. Chris Ziggy va avoir du mal avec un mec. Bah ouais, il va avoir du mal, mais finalement il l'a fait quand même. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme comme message là, Chris encore qui dit go pour la chance des auditeurs au jeu de la rupture. Allez, faut battre Toff. Eh ben ça y est, c'est fait là. Il a battu Toff. Nickel. Il y a aussi Pierre Lille qui dit tu gères, ne changez rien, Mickaël. Je vous écoute tous les soirs, c'est de la bombe. I love Fun Radio. Ben merci en tout cas, c'est gentil. Et puis Roland qui dit David, un vrai comédien. Eh oui, un vrai comédien. Allez, restez sur Fun Radio. Là, on va revenir dans un instant avec vous toutes et vous tous en direct, en espérant que le standard remarche là. Comment ça se passe au niveau du standard là? On prend la température. Et non! Fais pas ton cinéma, t'es sûr qu'il y a rien? Non, y'a rien, je te jure. Attends, bon, attends, je vais réparer. Oui, c'est ça, on va essayer de réparer. Ça va, tu me croyais pas? Non, parce que je pense que t'es en train de faire une espèce de mini grève en enfume, toi. N'importe quoi. Il y a une grève en enfume, une grève en enfume, c'est ça. Bon, on fait ça dans un instant. Retour avec Alex, là, pour parler de la jalousie. Et puis, vous, hein, donc, si vous voulez parler avec nous, vous êtes donc les bienvenus. Ça se passe tous les soirs sur Fun Radio. Et il y a le Facebook qui marche encore, là. facebook.com/MIKL officiel. Avec, tous vos messages qui arrivent. Alors, il y en a beaucoup, évidemment. Je peux pas tous les lire, bien entendu, mais si vous voulez voir notamment la vidéo avec le soutien-gorge, la vidéo thaïlandaise qui faisait la pub d'un soutien-gorge, mais vous allez voir que ça dure une minute, mais au début on n'a pas du tout l'impression que c'est un soutien-gorge. Bref, allez vous faire votre avis là, MIKL officiel, vous tapez ça sur Facebook. Je vous souhaite juste la bienvenue hein, pour ceux qui vont débarquer. Et puis dans un instant, comme promis pour Alex la Lilloise là, on va se caler le son de Calvin Harris. Voilà, Calvin Harris, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Bonne soirée, bon été tout le monde. Un truc à dire. MIKL, appelez MIKL. No limit. 02 851 4x0. MIKL, No limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. C'est le retour de la libre antenne sur Fun Radio. Allez, bienvenue si vous venez de débarquer. On est en direct dans toute la Belgique sur Fun. Bah, profitez-en bien. Libre antenne donc du dimanche au jeudi de 20h à 23h. MIKL No Limit avec du son d'Insfloor. Et puis avec vous aussi, hein, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. 02 851 4x0, c'est le numéro du standard. Vous appelez, vous tomberez directement sur Sandro. Et puis ça fonctionne également, bien entendu, par SMS. MIKL. Vous débutez le message par MIKL. Et vous envoyez le tout au 3044 pour 50 centimes le message. Alors ça fonctionne aussi sur le Facebook. facebook.com/MIKL officiel, sur le Twitter c'est pareil, et même sur Instagram si vous avez des photos, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus également. Instagram c'est MIKL officiel, vous pouvez mettre des photos de vacances, tout ça, etc. Et je vous suivrai évidemment avec grand plaisir. Voilà, MIKL officiel, vous tapez ça sur Facebook, Twitter ou Instagram, et on se suit, on se follow, on se surfollow, bref, comme vous voulez, vous connaissez le principe. On fait ça dans un instant sur Fun Radio, et je vous attends d'ailleurs. Et puis côté son dance floor sur Fun, je vous cale le son de Calvin Harris, découvert dans l'Eurodance 25, justement, tiens, avec Dylan, c'est I Need Your Love maintenant sur Fun. I need your love, I need your time. Alors, t'as kiffé Alex le son de Calvin Harris là? Ouais. Ah, t'as vu, hein, tu l'as demandé, on te le passe. C'est pas ton mec qui ferait ça, hein? Ouais. Hein? Ah, bah ouais, c'est clair. Hein. T'as vu, hein? Mais il faut foutre la merde. Encore un petit peu plus. Bon, dis donc, Alex, tu peux te concentrer là? Hein, bah oui, mais. Au lieu de penser à tes clubs dégueulasses là. Hein? D'ailleurs, je me disais aussi. Non, mais c'est des gamins, ils m'embêtent. Je me disais aussi que t'avais une haleine de merde là. Bah c'est gentil, merci. Bah je t'en prie, hein, si tu fumais pas t'aurais pas ce problème là. Ça souffle m'étonnerait que tu sois mon haleine de Lille à Paris quand même. Non, attends, allez, souffle un peu là. Ça pue. Ouah, quelle horreur. Oh, moi, dégueulasse. Moi je comprends ton mec hein. Ah ouais, mais je comprends, d'ailleurs il a pas à s'inquiéter aussi, hein. Alors, Ah en plus, bah dis donc, super la classe quoi. Bon bah Alex, c'est mal. Fumer c'est mal. Oui, c'est pas bien. Oui, je sais. Bon, Alex, bon, alors par rapport à la jalousie, là, déjà on va faire le jeu de la rupture aussi dans un instant, mais il y a David qui est avec nous. 23 ans de Toulouse. Salut David. Salut tout le monde. Comment ça va? Oh, ben au boulot. Ah, au boulot. Avec un super temps. Qu'est-ce que tu fais David là en vie? Ben je nettoie les bus de Tisséo. Ah, d'accord, ok. Bah bon courage, hein. Eh ben merci, on a un super beau temps qui pleut, qui avec des orages. Ouais mais t'inquiète, hein, j'ai vu la météo là, ça remonte jusque dans le nord, Belgique, Luxembourg, tout le bordel là, ça va tomber. Apparemment ils annoncent, en tout cas dans le nord et en Belgique, ils annoncent à certains endroits 40 litres de chute, c'est-à-dire que plus de en une seule nuit il va y avoir plus que 15 jours de pluie en fait. Donc ça va bien tomber. Mais comment ça dégage de Toulouse? Ben ouais, mais là ça va monter, donc t'inquiète pas. Là, vers le nord et la Belgique, c'est censé arriver vers 3-4 heures du matin à peu près. Donc prenez les parapluies, hein. Prenez les parapluies, puis... Ouais, puis... avec le travail. Ouais, puis bon courage surtout, ouais. Bon, David, on appelait pour la jalousie à la base. Enfin, c'est toi qui nous appelais pour la jalousie, là, par rapport à Alex, qui sort avec un mec hyper jaloux. Alors, comment ça se passe chez toi? Ben, chez moi, on a un peu de quoi jalouser, parce que là où je travaille, il y a pas mal de belles chauffeuses, en fait. De belles chauffeuses, d'accord, ouais. Et donc, des chauffeuses de bus. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, des chauffeuses de bus, bien sûr. Pas de fichotes, quoi. Enfin, des chauffeurs au masculin, quoi. Au féminin, pardon. Voilà. C'est ça. Et donc, du coup, ta femme est jalouse? Eh ben, elle a de quoi, parce que, en fait, au lieu d'avoir des pantalons, ils ont des jupes. Hein. Ah, bah ouais, mais ça... Ah, mais il fait chaud à Toulouse aussi, hein, ça, le problème. Ah non, c'est tout le temps, c'est comme ça, c'est leur tenue. Ah, tout le temps. Travail, ah, en fait. C'est la tenue de travail en jupe. Ah, d'accord. Oh, je sais pas. Et qu'est-ce qui t'arrive encore, Alex? Mais c'est pas moi, c'est des gamins dehors. Et ils gueulent comme ça. Moi, c'est marrant, parce que quand je suis au téléphone dans la rue, il y a personne qui passe à côté de moi pour gueuler, hein. Non, mais c'est des gamins de 12 ans, faut comprendre. D'accord, ok. Bon, vas-y, David, continue alors. Et donc, voilà. Donc je lui ai dit de venir travailler pour voir comment c'était. Ben voilà, elle aussi, elle arrive à son tour, elle a vu des mecs. Et mais travailler où ça? Là où tu bosses? Là où je bosse, mais 2 jours. Ah, d'accord, ok. Mais bon, t'as jamais rien fait avec les filles? Non. Bon, tu fais que mater, quoi. Voilà. Ouais, mais t'as raison, c'est après. Il y a un proverbe qui dit les yeux, c'était pour voir. Exactement, ouais, tout à fait. Non, mais après, moi, par exemple, tu vois, avec ma copine, j'ai pas de problème. Si elle regarde des mecs qui sont plus beaux que moi, il y a pas de problème. En même temps, je m'en fous, ça arrive rarement. Ça donc, n'existe pas. Mais voilà, exactement, tellement je suis beau. T'es tranquille, toi. Moi-même, parfois, je passe devant un miroir, il se casse tellement. Ah oui, comme tu y vas. Non, mais c'est vrai, je veux dire, après, s'il y a des filles aussi qui sont mignonnes, tu regardes, enfin, je vois pas où est le problème. Je comprends pas les gens qui ont des problèmes avec ça, tu vois. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas regarder, mais c'est bon. C'est bizarre. Mais bandez-vous les yeux alors, mais tu vois. C'est vraiment la maladie, la jalousie de la maladie, quoi. Mais c'est exactement ça, ouais. Il y a des gens qui sont jaloux maladifs et c'est une horreur pour eux, c'est une horreur pour le conjoint, c'est une horreur, quoi. Il y a Blandine qui dit qu'il faut faire confiance à l'autre aussi, la jalousie est un vilain défaut. Ben, je suis assez d'accord, effectivement. Et attends, il y a aussi Sonia qu'on va prendre dans un instant, là. T'es là, Sonia? Oui. Sonia, oui, alors. Ah voilà, oui. Sonia qui va couper sa radio donc et qui va nous parler de la jalousie dans un instant, c'est bien ça? Voilà. Parfait, on aura aussi Mickaël de Mons là pour la jalousie, vous restez tous là. Sonia bouge pas, et David, ben merci d'être passé. Mais de rien, y a pas de quoi. Et on embrasse tout le monde à Toulouse. Hein. Salut David. Allez, au revoir. À bientôt David, ciao à toi. Bon, et si on faisait la petite rupture là, David? Oui. Bon, on va y aller pour la rupture, là on va appeler un numéro au hasard et puis on verra bien. Hein. Deuxième fois, d'accord. Non, toi, t'as 54 secondes, là, c'est bon, hello, tu veux se la ramener, là, hein, dis donc. 54 secondes, c'est bien, déjà, t'es le champion, là, pour l'instant. Mais ouais. Qui va tenter le coup? Alors, Polo ou moi, qui veut démarrer? Toff a déjà fait, il a fait 50 secondes tout à l'heure. Donc, on va essayer. Allez, hop, c'est parti. Alors, la musique. Attends, musique d'amour. Bien, ça, non? Non, pas, c'est pas. C'est Star Wars, en fait. Voilà. Avec ça, c'est parfait. Ah, là, oui. Bah, je choisis ma musique, moi je vais plutôt mettre la chanson de... Ça donne envie de mettre une armure et de faire des combats. C'est ça. Je vais mettre plutôt ma chanson de Ghost, moi. Voilà. Oh my love. Voilà. Etc. Bon, donc on va mettre ça et on va appeler. Alors, tu penses que je vais faire combien de temps, David? Moins de 54, j'espère. Ah ouais, t'espères, ouais, bah ouais. J'imagine que t'espères. Bon, allez, on y va, c'est parti. On appelle, je ne sais pas du tout chez qui, mais ça va être la rupture, hein. Faut faire 54 secondes. C'est sois bon, Mike, on compte. Ah bah, je vais essayer. Hein. Mais tu vas faire 100. Mais je vais essayer. J'ai jamais été doué pour les ruptures, figure-toi, mais on verra. Allez, hop, c'est parti. On y va, on appelle. Allez. Déjà, leur standard remarche, donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Alors. Ah, il marche même moyennement bien quand même. Hein. Oui, bonjour. Ouais, il marche. Quelle est la taille du dernier pantalon? Pas super bien. Ah si, ça y est. Voilà, c'est le standard de secours, faut le savoir. On appelle loin. Oui, peut-être. Ah, si personne décroche, je considère que c'est la minute que j'ai faite. Hein. Ouais. Ah, bah oui. Ah. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Bon, on s'en fout, c'est pas bizarre, grave. Hein. Bah, on va l'appeler un autre, c'est pas grave. Allez hop, on y va, on rappelle un autre là maintenant. Et puis si vous voulez vous aussi participer au jeu de la rupture, là, vous envoyez maintenant votre mail à mikael@funradio.fr. On va récupérer Sonia dans un instant pour la jalousie. Et puis David là qui est le champion pour l'instant, le jeu de la rupture, hein, qui a fait 54 secondes. C'est parti, ça sonne. Allez. moi la poisse. Mais je rappelle, c'est moi qui joue. Taf a fait 50 secondes. David, 14 ans, David. Hein. Et 54 secondes. Ah, oh, merde, on appelle un autre encore, c'est pas grave. Oh là là, galère. Bienvenue sur la boîte vocale du 09. Oh là là, là c'est que des répondeurs là. On a de la chance là. C'est parti, on rappelle encore un coup. Allez. On y croit. On appelle où là? Je sais pas. D'accord. Ah, c'est le principe du jeu. C'est pas où on l'appelle. Hein. C'est pour ça qu'on est même pas sûr que ça décroche, c'est pour ça. Donc j'ai vraiment la poisse là. Mais non, mais t'es considéré comme champion. Bah ouais, je pense. Hein. Bah, on appelle encore un autre là, c'est pas grave. Bienvenue sur la boîte vocale. Ah bah c'est la boîte vocale chez tout le monde. Oh là là, la poisse totale. Personne. Moi je voulais jouer là. Avec toi. Eh ben voilà, on considère que j'ai fait 60 secondes, David. Ouais. Hein. Non. Ah bah si. Ah bah si, attends, regarde, on n'a pas eu de chance là. On considère que, tu vois. Ah c'est ça, c'est les règles. Attends, le règlement est là. Voilà, c'est ça, exactement, ouais. Et dans le règlement, il est écrit, voilà, si jamais ça ne décroche pas, on considère que. Bon, allez, c'est forfait. Bon, ils ont déclaré forfait. Je suis bon prince, on va encore essayer un là maintenant, là, c'est parti. Bon, si jamais ça marche pas, on récupérera Sonia, Alex pour la jalousie et Mickaël également de Mons là. On y va. Allez, ça va bien que ça marche là. Envie de montrer. Tu vas voir là, ça va me tuer là. J'ai tout mon élan là, toute mon imagination est partie. Mais oui, c'est pas sérieux ça. Ah oui. Clara qui dit Mickaël, vas-y. Mais oui, Mickaël, tu es le plus beau. Là, je te remercie, Clara. Ça ne m'aidera pas là pour faire une rupture, mais j'ai vu un standard aussi lent. C'est des problèmes techniques quand même. Ah ça y est. Alors attention. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir. Dis-moi, je voulais qu'on te parle. Je voulais qu'on se parle. Allô. Oui, allô. Ouais, je voulais qu'on se parle ce soir. Écoute, j'ai bien réfléchi et c'est plus possible. Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Ça fait trop longtemps que ça dure. C'est plus possible. Alors, merde, il a raccroché. Ouais, la honte. Oh là là. C'est chaud. La loose. Et alors, dans le règlement ici présent. Ah, qu'est-ce qu'il est indiqué? Mickaël a le droit de rejouer une deuxième fois. C'est vrai, il est vrai. C'est les règlements, c'est la loi. Il est vrai. Allez hop, c'est parti. On rappelle encore un coup. Oh, le lèche-cul de ouf, l'autre. Mais non, mais en même temps, c'est vrai. Non, c'est la règle. C'est le règlement qui s'unit. On a un règlement. Tout le monde peut recommencer deux fois. Bon, j'ai fait combien là? 20 secondes, je crois. Un chiffre insignifiant que nous ne préférons pas communiquer. Ouais, bah ça va, te la ramène pas non plus. Hein. Bon, allez, on rappelle. C'est David, je pense qu'il a parlé en même temps que moi au début. Il a foiré. Ah, il a mis la merde. Allez, ça va bien se passer. Ou pas, mais... Et David, il y a eu de la chance. Direct, il a appelé, direct, ça, ouais. Ça a cartonné. Là. Je suis très déçu. Là. La chance du débutant. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Bon, bah là, c'est mort, encore une fois. Bon, on n'a pas de chance, hein, c'est pas grave. On va essayer les numéros après pour être sûr que ça décroche. Et puis, si vous connaissez des gens, là aussi, qu'on peut appeler, n'hésitez pas, si vous êtes sûr qu'ils décrochent. En attendant, David, bah bouge pas, j'ai encore droit à mon deuxième essai. Hein. Mais ça fait au moins 40 000 essais. Mais non, mais attends, mais il faut que ça décroche. C'est quand ça décroche que c'est considéré comme un essai. Hein. Bah, t'as déjà fait. Bah, je l'ai fait une fois, et donc, on a droit à deux fois. C'est ce qu'on a dit depuis le début du jeu. Hein. Bon, ok, pas de problème. Bon, alors attends, David, ne bouge pas, on va rappeler dans un instant. D'ici là, on va récupérer Alex avec sa jalousie. On a Sonia également qui est avec nous là. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va super. Bon bah tant mieux. Alors Sonia, t'appelles de Reims toi. Et toi aussi tu voulais réagir par rapport à la jalousie. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Ah bah j'ai mon mec qui est militaire. Ouais. Et... Quand il est pas à la caserne, bah, il est avec moi, mais je peux pas sortir, il me suit partout. Ah, ça passe. Bon, heureusement qu'il est militaire et qu'il y a de temps en temps où il est pas là, quoi. Ouais, heureusement. Mais ouais, attends, ça te laisse respirer, quoi. Mais tu dis qu'il est militaire, il te suit partout, c'est peut-être parce que tu l'as manqué quand il part en mission, quoi, non? Ouais, mais bon, il y a quand même des limites, ça. Ouais, non, bien sûr qu'il y a des limites, mais genre, t'as des exemples de ce qui t'empêche de faire? Sortir, aller en boîte avec les copines. Ah oui, il t'empêche. C'est limité quoi. Ah oui, il t'empêche de tout quoi. Et en fait, et du coup, vous faites quoi quand vous êtes ensemble? Vous faites chier ou il te fait quand même. Il te fait des trucs sympas? Oh bah des trucs sympas quand même. Bon bah c'est déjà ça. Non mais parce que tu sais, après t'as des mecs qui peuvent très bien dire non, tu sors pas, on reste à la maison. Et non, tu mais fais à manger. Ça se trouve, il te colle parce que tu lui manques quand il est en mission ou qu'il est pas là. Donc il a envie de rester avec toi, de passer du temps avec toi. C'est peut-être ah, ça juste. Ah mais voilà. Mais oui, l'explication est là. C'est bon ce que tu dis. Franchement, c'est saoulant. Bah oui, c'est saoulant, mais tu lui as déjà dit? De toute façon, moi j'ai une copine, c'est le même cas, donc. Non mais alors, c'est pas parce que c'est une copine, il y a une copine où c'est le même cas que chez toi, tu dois faire pareil et tu dois dire oh bah c'est bon, bah tant pis, c'est que la vie c'est comme ça, le mec il. Mais non mais si tu saoules, si te saoule, faut pas rester avec lui. Il est à la caserne. Ouais. Bah qu'est-ce qu'il fait? Il te suit. Il travaille. Bah qu'est-ce qu'il fait, ouais. Bah il vit à la caserne, donc Mais c'est pour ça, il est jamais. Vous êtes jamais. Vous voyez pas beaucoup en fait, il est super occupé ton mec. Non mais il a tous ses week-ends, il a des vacances. Et oui mais. Mais quel est le rapport, alors je comprends pas le fait qu'il soit à la caserne. Tu vois que le week-end et pendant les vacances. Ouais mais quand il est à la caserne, il bosse pas le soir, donc lui il sort. Ah, c'est ça que t'essayes de nous dire, c'est qu'en fait toi il t'empêche de tout faire, mais au final lui il fait ce qu'il veut quoi. Ah il veut pas que tu sortes quand lui il est à la il travaille. Ouais c'est ce qu'on appelle un macho. Voilà. Exactement. Il a raison. Non mais non, il a pas raison. Mais à un moment t'as qu'à lui dire Sonia, tu lui dis écoute, moi j'ai besoin de ma liberté, il faut que tu aies confiance en moi. Et si t'as pas confiance en moi, ça sert à rien d'aller plus loin, basta quoi. Ouais mais bon, ça, là je vais pas lui dire parce qu'il est au Mali. Non mais ça peu importe, mais quand il va revenir, je te dis pas de lui dire maintenant tout de suite. Bah ouais, mais c'est il y a un moment faut mettre les choses au clair dès le début, Sonia, parce que si tu restes comme ça et que t'imagines tu restes toute ta vie avec lui, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte que ça marche très bien, et il va se serrer de plus en plus. Il y a un moment faut pas te laisser faire. Mais puis tu vas péter un plomb, toi, à un moment. Bah ouais, ça se voit, Sonia. Tu peux sortir au char, genre rien à foutre. Oui, oui, quand il est à la caserne, là où il est au Mali, tu peux y aller. Mais... Et quand il est là? Je sors. Je lui dis fermer sa gueule. Et qu'est-ce qu'il dit? Bah sors, vas-y, tu me vois plus. Et quand tu reviens, il est toujours là. Voilà. Bon, bah c'est bien, alors, du coup, comme ça, tu vois. Vous complétez comme ça, je crois. Bah voilà, finalement, tu vois. Comme ça, tous les tu vois, Alex, la solution, là, finalement, est toute trouvée, hein. Bah, en plus, il me suit. Je l'ai grillé le dernier coup. Ah, il te suit en plus. Bah, il a vraiment rien que ça à faire, hein. Je l'ai grillé le dernier coup. Bon, en même temps, après, pour sa défense, je peux concevoir aussi que s'il est jamais là de la semaine et que le week-end, il est là, il a envie de passer les week-ends avec toi, ce qui paraît normal. Mais en fait, il est avec toi. Quand il est à la caserne et qu'il sort, moi je vais pas m'amuser à faire 400-500 km pour suivre. Tu dois pas le suivre, mais quand lui est à la caserne, toi tu peux quand même faire ta vie ou il t'interdit de sortir même s'il est pas là? Ah, il m'interdit. Oh non, mais qu'il a su faire foutre, attends, il est ouf lui. J'ai un message, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais n'importe quoi. Attends, on va demander l'avis de Mickaël, tiens, on a un mec qui est avec nous. Salut Mickaël. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va. Bon, 31 ans de monstre, toi, Mickaël, et tu voulais réagir donc par rapport aussi à Sonia et Alex. Alors, est-ce que toi, tu sors avec une meuf jalouse ou alors est-ce que toi, tu es jaloux? Non, j'ai sorti avec une femme qui était jalouse et je l'ai laissée. Et tu l'as laissé, d'accord, ok, décidément, j'aimerais bien avoir un jaloux au téléphone, tu sais, qui va nous expliquer pourquoi il est jaloux. Non. Ce serait bien. Ah bah parfait, on va le prendre dans un instant, tiens, bonne chose. Alex. Ah bah ce sera Alex, parfait. Bon, alors du coup, ça s'est passé comment, toi, chez toi, Mickaël? Ben, je suis resté avec elle pendant 7 ans et elle pétait les plombs même pour des filles de 12-13 ans. Ah oui, carrément. Bah alors tu nous racontes ça dans un instant, Mickaël. Tu bouges pas de là, Sonia pareil. Et puis on aura Alex aussi, donc un jaloux qui va nous raconter son histoire et pourquoi surtout. Son point de vue surtout. Ouais, son point de vue, comment est-ce qu'il vit lui le fait d'être jaloux, s'il trouve ça normal ou pas normal. Et on revient après Will.i.am sur Fun Radio et Miley Cyrus sur Fun Radio Fall Down. Et voilà le son de Will.i.am sur Fun jusqu'au bout avec Fall Down, Will.i.am et Miley Cyrus. Je rappelle que Miley Cyrus c'est toujours en mode tenue cuir sexy, cuir et latex. Il y a la photo d'ailleurs qui traîne dans la mise il y a une semaine et demie, je crois, un truc comme ça, sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez aller voir évidemment facebook.com/MIKL officiel, où vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. L'émission n'a que 3 semaines, on est déjà plus de presque 109 000 là. Je compte sur vous, hein, 110 000 avant la fin de la semaine, évidemment. facebook.com/MIKL officiel. C'est pareil d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre sur Twitter, c'est aussi Mickaël officiel, et c'est pareil sur Instagram, c'est également Mickaël officiel. C'est plus facile comme ça. Il y a Arthur qui dit Mickaël est le meilleur à ce jeu, sans tricher et prendre davantage sur les autres. Maître. Mais voilà, t'as vu un petit peu, hein, je n'ai pas triché, la preuve, ça n'a pas décroché. Ouais. Et la première fois, le mec m'a raccroché au nez, j'ai fait que 20 secondes malheureusement, hein, c'est dommage. Chris qui dit son mec est dingue, faut qu'il se soigne, la jalousie a des limites quand même. Je suis assez d'accord, c'est par rapport à la jalousie qu'on disait ça il y a quelques instants. Et avant de récupérer Sonia et Mickaël également, là, on va donc retenter l'affaire. David ? Oui ? Bon, on va retenter, hein. On va retenter un petit coup là pour essayer de refaire le jeu de la rupture. La Toff a essayé tout à l'heure, ils ont eu de la chance. Ah vrai, c'est vrai que c'était plus tôt aussi, hein. En 50 secondes, il a tenu pour faire une rupture avec un inconnu. Enfin, une inconnue tout à l'heure. Toi, David, t'as fait 54 secondes, donc pour l'instant, t'es le champion. Eh ben, je vais essayer à mon tour maintenant. Là, c'est parti. Hein. On va réessayer encore une fois. J'ai fait. On a droit à deux appels. J'ai fait le premier appel où j'ai fait un score pas terrible. C'est-à-dire 20 secondes, je crois, grosso modo. Donc, on va retenter maintenant. C'est parti. Et si jamais ça décroche toujours pas, à ce moment-là, tant pis. Hein, que je vous dise moi. On dira que j'ai gagné. Voilà. En toute simplicité. Ah si, c'est pas. Il y a des lois, il y a des règles. Hein, les lois sont faites pour être respectées. Eh ouais, mais. Bon. Hop. Allez. Et ça ne téléphone. Ah, ça y est. Allez. Allez, sois bon, Mickaël. Bah, je vais. Je sens bien là. Je sens que ça peut être bon. Ça peut être très très bon. On vient de l'appeler aux antennes, celui-là il décrochait, c'est un truc de ouf. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sonia Correa. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, donc n'hésitez pas à me laisser un message et je vous rappellerai. Merci. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ouais Sonia, je voulais te parler là, t'as pas décroché. Et donc, je suis assez déçu. Je voulais vraiment qu'on parle parce que David, ça peut plus continuer comme ça quoi. Non, ça peut plus continuer comme ça. Je voulais vraiment qu'on s'arrête. Je voulais vraiment qu'on s'arrête. Moi je t'aime beaucoup, c'est vrai, mais voilà, il y a quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre, je voulais te le dire. Et voilà. Franchement, tu sais quoi, le problème, c'est qu'en fait, je te mérite pas, quoi. Là, tu étais vraiment quelqu'un de bien, Sonia. Et vraiment, je te mérite pas, voilà. Bon, écoute, t'hésite pas, tu peux m'en. On reste bons amis, y a pas de problème. Tu peux m'écrire mikael@funradio.fr. Et puis, de toute façon, tu connais mon mail. Bon, écoute, sois heureuse en tout cas, Sonia. Allez. Ciao. J'espère que son mari va pas écouter les messages en rentrant. Salut, Sonia. Oh, 1 minute 16! Bravo! T'as vu le talent, elle a pas accroché, c'était le concept. C'était dans le répondeur. Alors, dans le règlement, il n'est pas stipulé. Il est là. Je reprends le règlement. Voilà, nous avons la Bible. Il a gagné. c'est validé. Il faudra rajouter un petit nota bene dans le règlement. Qu'est-ce qu'il y a le comme petit quoi NB ça à la fait fin. 6 ans qu'elle essaie de sortir ce mot-là, nota bene. Les répondeurs, ça marche pas. Ah ouais, mais là, mais c'est trop tard, là, du coup, c'est fait. Bon, bah là, c'est fait. Bon, alors après, ça ne marchera plus, mais là. 1 minute 16, on commence. Bravo, allez, musique. C'est quand même dramatique. Non. Ah oh, bah si, attends, il y a Cédric sur le Twitter qui dit Mickaël, autant crédible en drague qu'en rupture. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux, on peut faire ce qu'on peut. Hein. Et il y a, il y a Pierre qui dit, quel lèche-botte ce polo quand même. Et Anaïs qui dit, il va assurer, c'est le meilleur, c'est normal. Bah franchement, là pour le coup, j'ai quand même parlé. Certes, la fille ne parlait pas beaucoup, elle était très triste, faut le savoir. Elle pleurait. Voilà, c'est ça. Non, et donc, tu nous as fait rire, d'accord, mais tu l'as pas gagné. 1 minute 16, non, si. Bon, alors, attendez. Alors, David, on va demander aux auditeurs. Je vais vous offrir un cadeau si vous répondez correctement. Est-ce que, oui ou non, vous pensez que j'ai gagné? Donc, j'ai appelé, on a décroché, j'ai raconté ma vie. Et au final, j'ai même décidé de raccrocher moi-même. Donc c'est pour vous dire. Voilà. Non. Est-ce que vous pensez que oui ou non j'ai gagné? Voilà, n'hésitez pas. Vous nous non, le dites. T'as pas gagné. Vous mettez le hashtag et Mickaël. Ouais, te laisse pas faire, David. Vous mettez le hashtag et Mickaël maintenant sur Twitter. Il y a Denis qui dit ah c'est toi le patron, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus fort. Eh ben voilà, t'as raison. T'as raison, Denis. C'est bien. Tof, tu pourras lire les autres messages qu'il ne va pas lire. Attends, je les lis là. Arthur qui dit bravo Mickaël, t'es un génie. 1 minute 16 et tu aurais pu faire plus. Exceptionnel. Merci Arthur. Enzo qui dit David manifeste-toi. Quelle manifestation. Il se manifeste là. Encore une fois. Encore une fois, Mickaël nous prouve que c'est le meilleur. Encore Enzo qui avait envoyé le message. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Chris qui dit belle petite victoire, t'inquiète, mort de rire. Bah ouais, mais la victoire quand même. Victoire quand même. Et moi j'ai envie de dire. Wouhou. Ouais, bravo Mickaël. Non. On t'a fumé, David. c'est mort, c'est mort. C'est David. Toi, t'es fumé. David, hey. On t'a fumé. Ouais, ah, voilà. Laisse-moi parler sur le message. Ah bah attends, quelqu'un a décroché, j'y peux rien moi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, ouais, voilà. Bon, message qui est arrivé, mais oui Mickaël, tu es le plus beau. Oui, bah merci Clara, mais c'est pas le rapport là, c'est pour savoir si oui ou non vous pensez que j'ai gagné. David est pas d'accord. Toute l'équipe est d'accord. Non, je il y a des voix qui sont solidaires Sandro de David. Non, bah, ouais, c'est non, ça. Il sait très bien. Attends, je fais un signe à Sandro qui va lui faire changer d'avis. Voilà. Je suis pour Mickaël. Voilà, il me semblait bien. Ouais. Non. Il y a Charline qui dit Fun Radio au top. Que dire, Cody compliment. Bisous à l'équipe. Merci Charline. Ban aussi qui dit Mickaël a gagné. C'est le champion. Mickaël, c'est le meilleur. Et oui. On a gagné. Et il y a Jules aussi qui dit il ne se rend pas compte de la chance qu'il a, effectivement. Hey, ouais. Tu te rends compte de la chance que t'as? Ah ouais, t'as vu un peu là. Par contre, il y a bon. Je te like qui envoie un message que tu n'as pas lu. Bah, je l'ai pas su. Vas-y, c'est quoi? Il y a marqué tricherie en lettres majuscules. C'est faux. Voilà. C'est faux. Il y a Thibaut qui dit gagné, Mickaël, c'est le meilleur. Ben qui dit c'est toi le champion. Thibaut qui dit c'est gagné. Shannon qui dit Mickaël, tu as gagné, tu es le meilleur. Bon, bah voilà. Envoyez le hashtag et Mickaël et puis vous me dites. Si vous le dites tous que j'ai perdu. Je suis bon joueur, je l'accepterai. Si c'est l'inverse. Voilà, depuis le début, tu lis que les messages où t'as gagné. Mais non, c'est ça, ce que je vois passer. Voilà. Et en plus, moi, je suis en train de les regarder. Il y a que c'est vrai, c'est un voilà. Truc de ouf. Polo les sélectionne, fume, David. Il t'en fume. Bon, David, reste avec nous. On va récupérer Sonia là dans un instant. Alex également par rapport à la jalousie. Mickaël également de Mons qui avait commencé à nous parler de la jalousie. Et puis on écoutera aussi le son de Sean Paul. J'adore. Ouais, ouais, t'adores comme victoire. Comme ta victoire. Elle était belle, elle était belle. Allez, on revient dans un instant. Pour l'instant, le grand gagnant de la victoire, de la rupture, pardon. Moi-même. Mickaël. 1 minute 16, quand même, c'est pas mal. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Tous les soirs, 20h-23h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, effectivement, ouais, dans toute la France. 01 42 48 5000 pour nous joindre, allez-y. Tous ces messages de victoire encore, mais merci à vous, merci à vous, merci à vous. On en parlera dans quelques instants, évidemment. Là, on va parler encore de la jalousie aussi. On devait aussi avoir Chanel, on va essayer de la prendre, là, pour elle voulait parler de l'infidélité dans quelques instants. Mickaël également, qu'on va prendre. David, le retour aussi de Sarcelles dans le 95, là, pour le jeu de la rupture. Là, pour l'instant, c'est moi le grand gagnant du jeu de la rupture. N'est-ce pas, David? Ouais. N'est-ce pas, David? Comment? Le grand gagnant du jeu de la rupture, c'est moi, là, pour l'instant, là. Non, c'est moi. On verra, va, reste calme. Te laisse pas bon, faire, David. David, allez, retour dans un instant avec le jeu de la rupture. Il y aura aussi Dada Life, là, qui sera aux commandes de Party Fun à partir de 23h. Ce sera avec Adrien sur Fun Radio. Et puis, là, on va se faire péter le son, comme promis, et bien de Sean Paul sur Fun Radio, tiens. Eh ouais, The Other Side of Love sur Fun Radio. Allez, bonne soirée et bonnes vacances avec Fun Radio. Baby, you don't have to keep looking through my phone, girl, you already know. Un truc à dire. Appelez Mickaël, nos limites. Fun. 01 42 48 5000. Ouais, on est en direct sur Fun Radio. Allez, jusqu'à 23h, c'est Mickaël, nos limites. Gatoff, y a Polo, y a Mickaël, c'est moi, bien sûr, également. Sandro qui est au standard et qui attend vos appels. Non, mais c'est une blague cette position là. Elle était à 2 mètres du standard, les pieds sur la chaise. Mike, elle est en train de jouer à un truc et sur en son plus, téléphone. Tu joues. Elle tweetait ou je sais pas ce qu'elle faisait. Non, je suis en train de checker mes mails. Ouais, c'est ça, mon œil. Voilà, n'importe quoi. Bon, retour avec la jalousie avant de refaire un point sur le jeu de la rupture. Là. Retour sur la jalousie avec Alex, toujours là de Lille, là, Alex. Allô. Ah non, merde, c'est plus le même. Ah, on a perdu votre. Ah oui, c'est là. Alex. Ouais. Ah voilà, parfait. Attends, parce qu'il y a deux Alex, alors c'est pour ça que c'était un petit peu compliqué. Hein. Attends, demain on va bien et toi? Allô. Allô, Alex. Ouais, comment ça va? Ça va et toi? Bah, on va bien. Oui, impeccable, bon. Impeccable au boulot, mais ça va. Eh ben c'est ça. Alors attends, bouge pas, hein, Alex. Avant de te prendre toi, j'avais d'abord pris Mickaël, qu'on va reprendre. Mickaël, donc 31 ans de Mons. Et donc toi, tu voulais nous parler aussi de ta copine qui était jalouse. C'est bien ça, Mickaël? Ouais, c'est ça. Bon, alors parfait. Donc fais péter, Mickaël. C'est quoi l'histoire avec ta copine jalouse? Ben voilà, donc je suis resté avec elle pendant 7 ans. Et elle me pétait tout le temps les plombs parce que... je regardais devant moi parce qu'il y avait des femmes ou des jeunes filles qui passaient, qui nous croisaient et elles pétaient tout le temps les plombs et puis elles les insultaient. D'accord, ok, ouais, putain, oui, la meuf elle est quand même agressive hein, pour le coup. Hein. Ah ouais, sérieux. Ah non, mais ça, et alors du coup, tu dis, ça va mieux ou t'es plus avec elle? Ah non, je suis plus avec. Hein. Ah d'accord, ok. Et du coup, ça s'est terminé comment? Tu lui as dit ses quatre vérités, il s'est passé quoi? Ouais, ben c'est ça, je lui ai laissé sa dernière chance et ici à la Saint-Valentin, bon, on était parti au resto, elle a continué encore à péter les plombs, ben, à la fin de la semaine de la Saint-Valentin, ben je suis parti. Je lui ai dit, ben c'est terminé, je m'en vais. Mais t'as quand même fait ça avant la Saint-Valentin, t'as pas gaspillé un cadeau pour rien. Ah non, après. Ah merde, c'était son cadeau la rupture. Ouais, et, cadeau ouais. Rupture. Et tu lui as offert quoi? Bah on était parti au resto et puis voilà, c'était tout quoi. D'accord, moi tu sais quoi, moi franchement on aurait été au resto, si je lui aurais dit, écoute tu m'as saoulé, je serais parti du resto, après avoir mangé bien sûr, on lui laissant l'addition. Bah oui. Voilà, ça aurait là t'aurais été classe Mickaël. Bon t'as quand même payé addition du coup. Ouais. D'accord, ok. Oh là là. Gentleman. Mais ouais, jusqu'au bout là, Mickaël. C'est bien. Tu représentes bien les Mickaël. Ouais. Évidemment. Bon, attends, il y a Alex aussi qui est là, qui lui est jaloux. Il veut nous expliquer sa vision justement. Tiens, t'es toujours là, Alex? Ouais, je suis là, impeccable. Parfait. Alors, 17 ans, toi, t'appelles de Lilieu, Basse-Normandie, dans le 14. Ouais, voilà, à côté de Lisieux, famille, mais c'est pareil, c'est pas grave. Bon, bah très bien. Alors Alex, toi tu voulais nous expliquer que toi t'étais jaloux, donc tu voulais défendre les jaloux. Non, bah pas forcément les défendre, mais expliquer notre point de vue. Après, j'ai pas non plus une jalousie qui est super élevée, quoi, mais je sais ce que c'est, voilà. J'ai pas une jalousie qui est super élevée. Et hein, sur l'échelle de la jalousie, ça fait ouais, combien? Ouais, c'est ça, t'en es à combien? Je suis pas un grand jaloux, quoi. C'est d'accord, ça que et bon, alors mais t'es jaloux, mais à quel point? Genre t'as une meuf, qu'est-ce qu'elle peut pas faire? Enfin, surtout ce qu'elle ne peut pas faire. À trop traîner avec d'autres mecs que moi ou des mecs que j'aime pas trop, des choses comme ça quoi. Ouais. Des choses à part mais ça, qu'est-ce que t'appelles des gens que t'aimes pas trop? Bah des mecs que je peux pas blairer, des mecs que je sais très bien qu'elle a rien à faire avec et que. Voilà, des mecs qui seraient tentés de faire des conneries avec ou des choses comme ça. Non mais ça tu peux pas le savoir, c'est juste toi qui imagine que les mecs seraient tentés de faire quelque chose avec. Et puis en même temps, quand bien même les mecs, parce qu'il y a plein de mecs qui vont être tentés de coucher avec des filles, après c'est la confiance que t'as en ta copine, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je dirais avec ma copine, moi c'est facile, j'ai des mecs qui viennent la draguer, je sais qu'elle va les envoyer la merde. Donc tu vois, moi je regarde, t'en as rien à foutre. Si t'as confiance en ta copine, il y a pas de raison qu'elle cède, elle va les envoyer chier, t'es assez grande. Ouais, je sais bien, mais personnellement, ça fait toujours chier, quoi. Non, mais que ça fasse chier, c'est une chose. Mmh. Mais elle est assez grande, ta copine, pour savoir que le mec a envie de coucher avec elle. Certes, pourquoi pas, mais qu'elle est déjà maquée et qu'elle a pas besoin d'avoir un deuxième mec. Si par contre, elle s'en rend pas compte et qu'elle couche avec, bah, c'est que c'était une conne et finalement, t'as fait une bonne affaire en l'envoyant paître. Ouais, c'est sûr, ouais. Ah voilà, c'est tout. Donc je comprends pas, c'est pour ça que je comprends pas la jalousie. C'est-à-dire que la jalousie ça sert à rien. C'est un manque de confiance en soi parce qu'on imagine que sa copine va se barrer avec le premier venu et puis c'est un manque de confiance en sa copine parce qu'on imagine qu'elle est pas assez futée. Voilà, elle est pas assez futée pour bah voilà, c'est ça, c'est complètement idiot. Bah je rappelle cette grande phrase de jaloux hein, ce n'est pas en toi que je n'ai pas confiance, c'est en les autres. Oui, voilà, c'est ça. Ça c'est ouais, vraiment n'importe quoi. Et c'est une phrase qui sert à rien, qui peut m'énerver ça. Déjà Sonia. Oui. Bon, d'accord avec tout ce qu'on vient de dire ou pas? J'ai rien écouté. Moi, c'est un peu comme ça, alors... Comme quoi? Bah, je suis extrêmement jalouse. Ah, toi aussi, t'es jalouse? Bah voilà, mais attends. Et toi, t'arrives, tu nous dis, ouais, mon mec, il est à l'armée, c'est un jaloux, c'est un connard. Ouais, moi aussi, je suis jalouse. Bon, au final, vous allez bien ensemble. En fait, t'es jalouse avec un militaire. Ouais, voilà, mais après, au final, vous allez bien ensemble. Bah voilà. Bah voilà. Eh bah très bien. Bon, c'est parfait. Eh bah voilà. Eh bah Sonia, bah écoute, merci d'être passé en tout cas. Et Alex et Mickaël aussi, merci à vous d'être passé. N'oubliez pas tout le monde de prévenir, évidemment, de prévenir tous vos potes, qu'on est là de 20h à 23h sur Fun Radio. Ouais Alex, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait moyen de faire un petit message à tous mes amis. Une seule dédicace, évidemment, tu connais le principe, hein. Vas-y. Bon, ouais, ça marche. Eh ben, je voulais passer un message à tous mes amis qui sont en moisson, tous mes collègues du lycée Le Robillard à Lyry. Eh ben très bien. Tu passes une bonne saison et puis on se dit à la rentrée. Et merci à vous Fun Radio pour tout le bonheur que vous nous portez, ça nous motive dans notre métier, ça, vous êtes juste super, continuez. Bah c'est gentil Alex et puis bon courage aussi et puis bah, on embrasse tout le monde aussi dans le bahut, y'a pas de problème. Salut Alex, merci à toi. Ça marche, bisous. À bientôt. Vous, salut Mickaël, à bientôt à Mons. Ouais, salut, merci. Salut Mickaël et puis Alexandra là à Lille. Oui. Bah voilà, bah écoute, maintenant c'est ce qu'il te reste à faire, hein. Il suffit de faire le ménage, là, soit tu lui dis les quatre vérités, soit tu restes là et tu restes soumise. Je suis pas soumise du tout, mais il comprend rien, il est trop con. Ouais bah dis donc, t'es pas soumise du tout, mais en même temps, le mec il arrête pas de te prendre la tête, tu peux pas faire ci, tu peux pas sortir, tu peux pas faire ça, tu peux pas voir ci, tu peux pas voir cette personne là, enfin, genre il y a un moment, faut que tu le rassures toi, faut que tu le rassures aussi, c'est à toi de le rassurer. Mais je le rassure, mais il comprend pas, il est... Envoie-le chez un psy, hein. Oui, ça c'est une idée, ouais. Mais non, mais c'est vrai. Mais il va pas vouloir y aller, tu penses? Ouais, non, parce qu'il est trop fier. Et puis même, c'est fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est à dire que toi, tu peux rien faire, mais lui, c'est open bar, quoi. Ah ouais, mais moi, il y a beau me dire fais pas ci, fais pas ça, il a cru que j'allais lui obéir. En plus, je le fais quand même, quoi. Mais non, bon, alors voilà, ouais, mais il y a un moment, c'est pas viable, quoi. Ouais, si vous prenez la tête tout le temps pour ça, ouais. Et que vous passez jamais des bons moments, parce que vous passez votre temps à vous embrouiller, ça sert à rien, quoi. Ouais. Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas ça la vie. C'est pas viable, exactement. Bah écoute, Alexandre, en tout cas, bon courage. Et puis, tu reviens quand tu veux sur Fun, alors, Alex. Hein. Pas de soucis. Salut, Ali, à bientôt. Salut. Ciao, et gros bisous, Sonia, également à Reims. Là. Tu fais péter une petite bouteille de champagne à l'occasion. Hein, Sonia? Ouais. Bon, on compte sur toi. Hein. Bon, je te fais des bisous, Sonia. À bientôt, la jalouse. Ouais, à bientôt. Salut, ciao à toi, Sonia. Bon, David, alors, faisons un tour du côté des messages là par rapport à la rupture, le nouveau jeu qu'on a lancé tout à l'heure. Là, Toff a fait 50 secondes. Le but, c'est d'appeler quelqu'un qu'on connaît pas, un numéro totalement au hasard, et d'arriver à tenir le plus longtemps possible en faisant un message de rupture. Donc, Toff a fait 50 secondes. Il y a également David, qui a été champion pendant une heure, hein, puisqu'il a fait 54 secondes. Et puis moi, non, je suis arrivé tel un rouleau compresseur, hein, 1 minute 16. Et il y a Ben sur le Twitter qui représente bien les Mickaël, honnête, bon joueur et surtout très classe, c'est vrai. Classe. Enzo qui dit, attends, où est-ce qu'il est? Arthur qui dit, t'as les 6000 followers, ben, c'est pas mal pour 3 semaines là. Encore une preuve que tu es un dieu, comment un tricheur pourrait-il en avoir autant? Ouais. Mickaël, j'attends mon cachet, bien sûr, Arthur, pas de problème, fais-moi un mail. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Nance qui dit, bon, je vais dans ma piscine, bonne fin d'émission, Mickaël, et continue comme ça, ça déchire. Ah bah, profite bien de ta piscine, Nance. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oh, le tricheur, c'est Cassandra qui avait envoyé le message. Je vois pas de quoi tu parles. Non, elle parlait de Toff. Ah, d'accord, ok, très bien. Ou alors peut-être même de David. Ouais, non, pas David. C'était le meilleur. Il y a quoi? Il y a Enzo qui dit, c'était une prestation vraiment impressionnante. Mickaël est tellement fort, je te remercie. Car Jérémy aussi qui dit, super ta victoire. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Julien qui dit, vous pouvez mettre boum boum chic chic. Bah bien sûr. Alors ici, c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de chic chac. Exactement, exactement. Bon, bah du coup, voilà, qu'est-ce que je peux dire, moi? Voilà, il y a Habib aussi, Mickaël, tu as gagné, mais tu dois donner ton cadeau à David. Bah oui, je vais pas prendre le cadeau pour moi, évidemment. Hein. Il y a Benjamin aussi qui dit, j'aurais pas fait mieux, là, faut accepter ta défaite un moment. Hein. Blandine qui dit, je t'aime beaucoup, Mickaël, mais là, t'es mauvais joueur. Comment? Voilà. Comment? Quoi? Mais comment peut-on dire ça? Quoi? Je suis moi-même scandalisé. C'est voilà. Ah, heureusement Ludivine sur le Twitter qui dit c'est une victoire magistrale. Ouais, voilà. Ouais, et puis Ben qui dit ceux qui ne sont pas pour Mickaël n'ont pas bien entendu le jeu de la rupture. Il a gagné, c'est la règle. Voilà. Et Jérémy, super ta victoire encore une fois. Enzo, magnifique prestation. Enfin magnifique quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jus aussi qui dit tu déchires tout, Mickaël, c'est toi gagné, t'es le boss. Charline aussi, Fun Radio au top, etc., etc. Bon bref, la grande classe. Écoute, tu sais quoi? Oui. David, je vais être bon prince. Je t'offre quand même le cadeau. Quoi? Ah oui, attends, ça va. Voilà. Mais je te l'offre en échange. Oh là là, mais il va encore faire quoi là? Qu'officiellement tu avoues ta défaite. Mais tu gagnes quand même. Ah, je sais pas s'il veut faire ça. Alors. Ah, c'est chaud, là. Ça après, bah, si tu fais pas à ce moment-là, tu remets ton pseudo titre en jeu et du coup t'as pas de cadeau. Ça se trouve si demain on arrive à avoir un autre auditeur qui a fait plus de 54 secondes, tu perds tout. Donc tu vois, soit tu avoues ta défaite et tu dis oh Mickaël, mon grand prince, mon grand roi, tu as gagné, tu es bon. Et à ce moment-là, tu repars avec ton cadeau. Non, non, tu reviens demain, David. Tu reviens demain. Hello, c'est bon ça, et bah victoire David, voilà. Merci. Bah je t'en prie, y a pas de problème. Voilà David, tu vas retourner au standard. Hein. Allez, ouais. C'est pas grave, t'as perdu, mais tu feras mieux la prochaine fois David, t'inquiète. Vraiment, t'es un salopard, il a 14 piges. David, il repasse demain, donc il affronte un autre candidat, c'est ça? Bah non, puisqu'il vient d'avouer sa défaite. Ah mais je voulais qu'on le reprenne demain, il était bon. Bah comme tu veux David, tu peux encore changer d'avis, hein. Tu veux remettre ton cadeau en jeu? Non. Oh là là, et tenter une question d'honneur, David. Et tenter le coup demain, peut-être. Peut-être que tu feras mieux qu'une minute 16. Mais je peux pas passer demain, je pars en vacances. Ah oui, c'est vrai. Ah bah voilà, bah voilà. Bon bah David, c'est pour ça qu'il a appris ça. Exactement, ouais. Ouais, ouais, bah, il part en vacances, hein, mignon, il part en vacances. Il sera pas dispo. Bon bah salut David. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. À bientôt, ciao. Il y a Ju qui dit aussi Mickaël, il était nullement précisé que le répondeur ne comptait pas. Si, c'est marqué dans la règle. C'est dans les. C'est dans la loi qui est les règlements. Et c'est la loi. Vérif, Polo. Voilà, ouais. C'est dans la loi. Il y a Denis aussi qui dit mauvais joueur, genre. Bah non, c'est pas un mauvais joueur, pas du tout. D'ailleurs, un message pour toi, Sandro. Voilà. T'as vu commenter? Quoi? J'ai pris, je me suis mis de ton côté. Tu as été contre moi. J'ai vendu mon âme. Mytho. Je me suis mis de ton côté. J'ai vendu mon âme. Arrête un peu ton cinéma là, sans déconner. Bon, et il y a Chanel là, qui est avec nous là, 22 ans de Paris. Salut Chanel. Chacha. Allô. Ça va? Salut. Ça va, merci. Bon bah tant mieux, écoute, sois la bienvenue Chanel. Alors du coup là, parce que vous étiez mon nombreux là ce soir dans le standard, on n'a pas eu le temps de toutes vous prendre et de tous vous prendre au final, si je fais tout, c'est genre il y a que des filles. Chanel, on va parler de quoi demain, on te rappellera du coup? Ben un petit peu des relations de couple, moi de ma vie professionnelle et de comment ça se passe sur la jalousie encore. Ah d'accord, ok, parce que moi j'avais vu infidélité, bon ça se rejoint infidélité, un peu. Infidélité, hein. Oui, c'est un peu bon, la même chose. Bah très bien, bon on fera ça demain Chanel, il n'y a pas de problème, on te reprend à 20h, d'accord? Ça marche, bon bah gros bisous Chanel, à bientôt hein. Merci, bonne soirée. Salut, salut Chanel, ciao. Je à toi, bye bye. Oui, t'emballe pas, t'emballe pas. Bon, eh ben voilà, tiens, fin de l'émission là ce soir. Là, on reviendra évidemment demain en pleine forme à partir de 20h. Et je puis tiens on va signaler cette grande victoire, Mickaël. Bravo. Oui, merci. Bravo. Merci, merci. C'est bien gentil. Vous serez augmenté, Polo. Voilà, merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Hein. Alex qui était là, il y avait Wendy également qui vient de débarquer. Il y a Maxime qui vient de débarquer aussi, qui nous follow là sur Mickaël officiel. Cassiope qui dit il a tout niqué. Il y a Les Bufflux qui était là également. Il y a Jules, Denis, Alex, Chris évidemment, Clara, il y avait Florian, il y avait Thibaut, Mathilde également là qui dit bah, qui part en vacances pendant 20 jours. Bah salut Mathilde, profite bien de tes vacances, t'inquiète, on sera de retour, on sera là aussi quand tu reviens. Florian GR2.0 qui était là également. Il y avait aussi Jesse Beach bien entendu, Juju, Benjamin, etc. etc. Et puis aussi du monde hein, sur le Facebook de l'émission comme chaque soir. Merci à vous en tout cas d'avoir été là ce soir. Il y avait notamment Dana Gaga qui était là, il y avait Marilyn, Delphine, Harmonie, Alessandro, il y avait aussi Aurore, Fatima, Benoît, Stevie et puis tous les autres bien sûr et tous ceux qui ont appelé. Merci à vous toutes et tous. On se retrouve demain à partir de 20h sur Fun Radio et puis en pleine forme évidemment. Allez, bonnes vacances si vous êtes en vacances en tout cas. 20h, 23h. Fuck, I don't fucking care. Sur Fun Radio. Exactement, ouais. Et puis dans un instant, bah, c'est Party Fun qui va débarquer. Enfin, c'est même maintenant, tu es à la bourre, donc. Hein. Et vous aviez jusqu'à 21h10, 23h10 aujourd'hui, facile. Hein. C'est vrai, mais on nous a dit que t'avais 5 minutes de retard. C'est vrai, coup, mais regarde, tu sais quoi, j'étais en avance. J'ai speedé comme un ouf sur le scoot. Ah bah voilà. C'est mal, bravo. Non, je fais gaffe, je m'arrête au feu rouge. Je m'arrête au feu rouge quand même. Mytho. Juste les feux rouges. Hein, exactement, voilà. Ouais. Non. Bon, bah du coup, Party Fun ce soir là, avec Dada Life qui est débarqué. Dada Life au platine jusqu'à 1h. Yes. Très bien. Belle soirée qui se prépare. Bah, qui va se préparer effectivement jusqu'à 6h avec Jay l'arrivée aussi pour le morning. Dance Floor, exactement, à partir de 6h sur Fun Radio. Avec si vous avez aussi des vidéos, des photos un peu à la con là pour Jay, il aime bien ça, hein, il aime bien les poster. Donc si vous voulez à partir de 6h là, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Bon bah la bonne soirée avec Party Fun. Yes, merci. Parfait. Bah, vous aussi. Bonne nuit à vous. Merci. Et puis on se retrouve demain, nous à partir de 20h. Évidemment à partir de 20h pour encore une fois célébrer la grande victoire. Bravo. 1 minute 16 au jeu de la rupture. Moi je dis bravo à moi-même. C'est vrai. Non, je veux dire les choses. Fort. Voilà. Faut dire les choses, bravo à moi-même. Voilà. M'arrache la gueule. D'ailleurs. Allez, à demain tout le monde, dès 20h. Ciao, Party Fun maintenant jusqu'à 6h du mat. Ciao. Salut. Party Fun. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Si t'as un Sam, t'as le swag.